avons le plaisir de recevoir Brigitte Bramy qui va nous présenter son dernier livre et puis nous parler de ses expériences. Donc ce livre s'appelle Corps imaginaire, qui rassemble deux textes, sont les portraits de détenus UES. Et parce que Brigitte a eu le malheur d'avoir de faire l'expérience carcérale à deux reprises, donc elle va nous parler de l'expérience carcérale, plus particulièrement des femmes en prison. Par ailleurs, elle s'est spécialisée dans l'étude de Jean Genet, donc elle a déjà publié un livre, je crois que c'était à l'Armatan en 2015, je crois qu'il a fini, même qu'il était en prison pour terminer. Exactement. Et puis en 2011, récit de sa première incarcération qui s'appelle La prison ruinée. Mais tu écris depuis longtemps, depuis l'âge de 20 ans, tu écris de la poésie. Oui, même depuis l'âge de 7 ans. En fait. J'ai été publiée à partir de l'âge de 20 ans. Voilà. Des poèmes que j'ai écrits entre 16 et 20 ans. Donc ça va être une discussion autour de l'incarcération, de l'écriture, et puis. Et je dois signaler que cette rencontre est en partenariat avec Mille Babor, bibliothèque associative, qui se trouve au 61 de la même rue. C'est bon. Et là, nous avons un représentant. Alors, une autre représentante, ouais. Parfait. Je vous remercie d'être ici. Je vous propose comme un peu, un petit peu comme schéma, c'est une proposition. Je vous propose d'abord de me laisser parler trois quarts d'heure, une heure, et ensuite de me poser des questions. Parce que sinon, justement, si vous m'interrompez, ça a le charme de la spontanéité et voilà. En revanche, je vais partir dans tous les sens, malheureusement, et ça va être un peu n'importe quoi. Donc, c'est à cause de moi, mes penchants naturels, que je vous demande de me laisser d'abord parler. Voilà. Et donc, je remercie le CIRA. M'avoir invité, pour m'inviter là dans cet endroit très très beau. Donc avec la participation de Mille Babor, également Claudine qui m'héberge. Et je vous remercie évidemment toutes et tous qui êtes ici. Donc effectivement, je viens vous parler de mon dernier livre qui a été édité, publié en 2019, cette année. Et effectivement, je te remercie, Philippe, d'avoir vraiment fait une synthèse très intéressante. Tu as retenu que l'essentiel et c'est formidable. C'est un très gros travail de retenir l'essentiel. Voilà, donc Corps imaginaire, c'est quoi ? C'est un livre qui dresse le portrait de deux détenus que j'ai rencontrés lors de ma dernière incarcération en 2013-2014 à Fleury-Mérogis. C'est une maison d'arrêt pour femmes qui est dans l'Essonne, dans le 91. Pourquoi corps imaginaire? Parce qu'effectivement, on a tous un corps et on a tous un corps qui est imaginaire. Je dis bien tous et toutes. C'est-à-dire qu'en fait, on croit connaître les limites et on croit connaître la représentation exacte de notre corps. Or, ça reste une représentation. Par excellence, tous les êtres humains ont un corps imaginaire, ont une représentation imaginaire de leur corps. Et je vous donne un exemple assez frappant pour le découvrir, c'est-à-dire qu'en expression corporelle, quand on vous demande par exemple de fermer les yeux et de marcher, et de montrer avec vos bras les limites de votre corps, c'est-à-dire on vous dit indiquer vos seins, la taille de vos seins comme ça ou de vos hanches, et on rouvre les yeux après avoir marché, on se rend compte qu'on s'est toujours trompé. C'est-à-dire que toujours il y a une inadéquation avec la perception qu'on a de notre corps et la réalité quantifiable et mesurable. Alors, j'ai l'habitude de dire aux personnes que je remercie d'ailleurs qui sont déjà venues à mes rencontres et qui viennent encore me supporter dans un sens polysémique du terme, que j'ai l'habitude de dire qu'on a souvent raison d'avoir tort. C'est-à-dire que notre perception qui est erronée de notre corps, finalement, nous sert. On est sain et saine parce qu'on a cette perception erronée. Et je donne toujours l'exemple vrai de cette personne qui était enfermée, un homme que j'ai pas connu, mais un homme qui était enfermé, encellulé, donc incarcéré, et qui, à tout moment de la journée, pouvait donner l'heure avec exactitude, à la minute près, de l'heure qu'on était. Il n'avait aucune montre, et il n'avait même pas la télé où, sur les chaînes d'info générales, il y a l'heure. Tout le monde s'étonnait en disant, mais il y a un truc, il y a une rue, ce n'est pas possible. Comment il fait, cet homme? C'est pas possible. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à partir de tous les matins, à 7 heures, quand les surveillants venaient le réveiller, apporter le petit déjeuner, enfin je dis ça, mais bon, je magnifie un peu les choses, parce qu'apporter le petit déjeuner, c'est pas vraiment ça. Eh bien, à partir du moment où il savait qu'il était levé à 7 heures par les surveillants, il comptait toutes les minutes, les secondes, le menant aux minutes et le menant aux heures. Donc, c'est-à-dire qu'à midi, il avait compté toutes les secondes et toutes les minutes pour calmer son angoisse. Et ça, évidemment, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de souhaitable. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, à mon avis, ne pas savoir quelle heure il est que plutôt être dans l'angoisse de compter toutes les secondes et les minutes qui le séparent, par exemple, du déjeuner et après du dîner, etc. Je vous donne un autre exemple qui peut illustrer à merveille le fait que les choses que on a raison d'être dans l'imperfection, d'être dans quelque chose qui est un peu qui est pas bien, qui est pas précis. Imaginez-vous, et c'est une maladie d'ailleurs Peter Brook avait fait il y a 25 ans, 30 ans une pièce de théâtre, 25 ans. Imaginez-vous que notre mémoire soit tout le temps présente dans l'immédiateté. C'est-à-dire, imaginez-vous qu'à l'instant où je pars, je me rappelle exactement ce que j'ai fait il y a 10 ans. Est-ce que ça serait supportable? Pas du tout. Donc, le fait d'avoir une perception imaginaire de notre corps, qui est complètement faux, erroné, ça nous aide à vivre. Ça nous aide à vivre. Donc, quand on se regarde dans le miroir, la personne que l'on voit, elle est heureusement, pas du tout celle que les autres perçoivent, et pas du tout celle qui s'inscrit dans une réalité quantique. À part que cette adaptation à notre corps imaginaire, qui est là depuis qu'on ouvre les yeux et qui et en fait est là grâce à plusieurs stades que l'on franchit, etc. À part que quand le corps est endigué, quand le corps est empêché, quand le corps est contraint, c'est-à-dire que quand il est extrait de son milieu naturel qui est la rue, qui est la vie, qui est l'extérieur et qui est le fait aussi qu'on a tous la liberté, la définition de la liberté au sens juridique, c'est on peut aller et venir librement dans la rue. Quand on nous prive de ça, c'est-à-dire que quand on est incarcéré, alors là, il y a un gros problème. Pourquoi? Parce qu'il faut se réadapter à ces nouvelles dimensions qui sont des petits espaces. Et d'ailleurs, je te remercie dans le flyer que tu as fait pour... tu as bien mis en exergue la prison restreint les corps à des petits espaces. Voilà. C'est ce que fait la prison. C'est-à-dire que la prison extrait un corps entre guillemets en liberté. Bon, là on est chez les libertaires et c'est ce que moi je suis profondément libertaire parce que justement dans libertaire il y a liberté et que comme je disais je vais dans la provocation. Pourquoi j'aime les libertaires et je me sens profondément libre et libertaire? Parce qu'à la rigueur, les libertaires, pour moi, dans ma définition, ils sont aussi, ce qui n'est pas mon cas, mais ils sont aussi tout à fait capables d'accepter quelqu'un qui serait croyant. Ou par exemple, quelqu'un, en fait, voilà, c'est ça les vrais libertaires pour moi. C'est-à-dire que effectivement, il faut faire exploser les institutions, ça ok, on est d'accord. Mais respecter les libertés des personnes. Quoi. C'est-à-dire chaque personne a le droit de choisir pour elle-même ce qu'elle fait, ce qu'elle veut, etc. Pour moi, c'est ça les libertaires. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Jean Genet que j'adore. Il disait, moi je suis ni de gauche ni de droite. Malgré la générosité des personnes qui se positionnent à gauche, parce que je suis un voyou et je le reste. Et pour moi, en disant ça, Jean Genet, il est profondément libertaire. Il est profondément libertaire. Et ce que j'apprécie, et les libertaires, c'est génial parce que ça permet de ne pas sombrer dans le côté militant-militaire, c'est-à-dire militaire sans uniforme, et ça permet aussi de ne pas sombrer aussi dans le prêtre sans soutane, quoi. Donc, je sais que c'est un truc, c'est, on marche, je veux dire, excusez-moi, je me permets de dire ça, parce que je suis pas non plus là par hasard, hein, il faut, je veux dire, moi aussi, je veux inscrire mon corps quelque part, voilà. Moi, je me balade pas, il y a de la lumière allumée, voilà, est-ce que je peux parler de mon livre? Non. Donc, moi, je parle à partir de mon corps. Et donc, le truc, c'est que, moi, je trouve ça très intéressant, et c'est vrai qu'on marche tous et toutes, tous les libertaires marchent un peu sur un fil, hein, c'est le funambule de Jean Genet, parce qu'à un moment donné, il y a des vraies questions, il y a des vrais trucs. Et ben, c'est ça qui est beau, et c'est pour ça que j'aime les libertaires. De jamais s'équilibrer, quoi. Voilà. Bon. Alors après, effectivement, il y a des choses, faut pas choisir la violence, enfin des trucs comme ça, mais ça, c'est encore autre chose. Mais le fait de prendre position sans s'installer, c'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça magnifique, quoi. Voilà. Donc, et donc oui, on les a installés, les deux filles dont je parle, Thérèse et Sana, on les a installées, justement, mais dans un espace hors de leur environnement naturel. Voilà. C'est-à-dire qu'on a fait cette violence-là. C'est-à-dire qu'on les a déracinées, finalement. On les a déracinés du vent, on les a déracinés du mouvement. C'est complètement contradictoire, mais on a fait ça, on a fait cette violence-là, pour les mettre dans des petits endroits qui nécessitent effectivement une réadaptation très très forte. Et au niveau des mécanismes, le psychisme, c'est un gros truc, c'est une grosse machine. Donc à un moment donné, il faut constamment qu'il s'adapte, qu'il fonctionne, etc., pour se tenir en vie. Et je vais parler de Thérèse qui malheureusement en est morte, et je vais parler de Sana qui a survécu. Je sais qu'il y a des personnes qui ont lu le livre. Et alors, ce que je voudrais faire, si ça ne vous dérange pas, si évidemment vous êtes d'accord, mais sinon si vous n'êtes pas d'accord, c'est formidable aussi. En tout cas moi, et surtout en ce moment, c'est-à-dire qu'en fait, l'institution, les puissants, le pouvoir, etc., nous font chier, nous emmerdent, excusez-moi du terme, régulièrement, en nous disant, il faut tout le temps les minutes de silence. Voilà. Donc c'est Assemblée nationale, la télé, les écoles, on mettra des mauvaises notes et on virera de l'école les personnes qui ne veulent pas faire des minutes de silence, etc. Et depuis le mois de mai, car j'ai assisté à un colloque sur la justice, etc., les peines de prison et les alternatives à Paris, et en fait ce qui s'est passé, c'est que il y a une personne qui est venue et qui nous a dit, nous sommes dans une république démocratique, voilà, c'est ça malheureusement la démocratie, c'est ça le problème. Et donc comme nous sommes dans une république démocratique, quand Madame Belloubet, ministre de la Justice, va venir, vous allez tous vous lever, voilà. Et donc, il n'y a pas le choix, quoi. Et on était genre 400-500. Et après, il y a eu une minute de silence, pareil, pour, je ne sais pas, ça doit être quelqu'un qui a été décoré, je ne me rappelle plus, par l'armée. Eh bien, moi, je vais vous parler de Thérèse. De Thérèse, qui est une femme qui a eu le tort de choisir un mec complètement taré. Voilà. D'avoir un enfant avec lui et son mec, donc le père de l'enfant, l'a massacré, c'est-à-dire qu'il a fait subir au bébé, au nourrisson, des violences physiques continuelles jusqu'à qu'il ait un an. Et donc, elle a évidemment fait des signalements, averti tout ce qui est social, tout ce qui est, voilà, ce qu'on avertit quand il y a un gros problème, qu'on se sent en danger, de mort. Évidemment, l'administration française, dans un état très démocratique, n'a pas assez de personnel, n'a pas le temps d'ouvrir tous les courriers, et même si elle a le temps de tout ouvrir tous les courriers, le temps de mettre des cachets partout, des signatures, voilà, les choses vont. Et puis évidemment, après 3 mois après le drame, on retrouve la lettre en disant oui, mais on manque de personnel, et de toute façon, on allait faire quelque chose, mais on n'a pas pu, mais on aurait pu, et finalement, c'est comme si on l'avait fait, quoi, voilà. Bon. Alors moi, après, elle a été incarcérée, et après, elle s'est suicidée. Donc moi, je nous demande, pour les personnes qui veulent, de nous lever, de faire une minute de silence en l'honneur de Thérèse. Parce que moi, je trouve qu'elle mérite beaucoup plus que tous ces ministres de merde et toutes les personnes et tous ces médaillés de je sais pas quoi. Et voilà. Donc moi je le fais. Ben, je nous remercie. Donc Thérèse, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a. Elle a tué par dans une espèce de. Moi je dis que quand elle a fait ça, elle a donné 318 coups de couteau à son tortionnaire, qui en est mort évidemment. Et elle a fait ça, et là je suis très proche de Genet en pensant comme ça, comme lui, c'est-à-dire que, évidemment, je ne cautionne pas cette violence-là, mais je vois, je me dis que si elle était dans un tribunal, il aurait fallu aussi que toutes les personnes qu'elle a averti, qui faisait partie de l'institution, soit du côté des coupables. Puisque elle n'a pas cessé de demander de l'aide dès qu'il y a eu un silence de mort en face. Personne ne l'a aidée. Et ce qui se passe, c'est que effectivement, en faisant ce geste, peut-être qu'elle a pu acquérir une espèce de liberté. En tout cas, c'est la seule marge de manœuvre qu'elle a trouvée, malheureusement. Et pour finir, il y a eu donc le père de son enfant qui est mort, il y a eu elle qui s'est suicidée, et il y a eu un enfant qui se retrouve à la DAS. Voilà. Donc on peut interroger quand même les institutions, voilà, qui n'ont rien fait. Et Thérèse, je peux aussi me retrouver à la barre dans cette histoire, et je pense que je l'aurais mérité, parce que moi je l'ai croisée, Thérèse. Je l'ai croisée donc à la marge de Fleury Mérogis, et je n'ai pas vu sa fragilité. Je n'ai pas vu sa fragilité. Elle était extrêmement belle, et moi je voyais sa beauté. Je voyais rien d'autre que sa beauté. Et effectivement, on s'est vu trois fois, elle était dans la fulgurance comme ça de sa beauté. Et j'apprends après qu'elle s'est suicidée. Donc après, j'écris sur elle, mais j'écris de la même façon, avec la même fulgurance que je l'ai rencontrée. C'est-à-dire que comment on fait quand on doit écrire et on doit dresser le portrait, enfin on doit, quand on a envie de dresser le portrait d'une personne finalement que l'on ne connaît pas. Eh bien, contrairement aux personnes qui disent « Ah oui, métier entre détenus, c'est très amical, c'est très bien, vous pouvez créer des grandes amitiés, vous entraider. » Eh bien, malheureusement, en fait, ça peut se passer dans des centres de détention, mais là, c'était une maison d'arrêt. Une maison d'arrêt, c'est en fait, qu'est-ce que fait le système ? Le système gère comme des meubles, en fait. Et ce n'est pas des meubles Ikea, parce que c'est trop luxueux, les meubles Ikea. C'est des meubles, comment on dit, c'est des meubles, j'arrive plus à trouver... Formica. Ouais, c'est du Formica, c'est du... mais tu sais comment ça s'appelle quand on va acheter des meubles, hein, pas cher, ah, de plus... Emmaüs, merci. C'est des meubles Emmaüs. Et donc, qu'est-ce que fait le système ? C'est-à-dire qu'il se sert de flux et reflux. C'est-à-dire qu'il fait rentrer des personnes, voilà. Après, il y a trop de personnes en prison. Donc, il en fait sortir et il remet les personnes qui sont... voilà. Donc, c'est un truc de fou, quoi. C'est de la déportation, finalement, comme ça, dans des lieux, dans des boîtes, hein. Alors, effectivement, il faut interroger aussi. Donc là, c'est un corps, le corps de Thérèse. Et ce corps-là est parti en déliquescence. C'est-à-dire que ce corps-là, il n'a pas pu agrandir la cellule, là. Il n'a pas pu se réadapter aux nouvelles dimensions. Donc, ça a été un suicide. Il faut savoir que comment ça s'est passé, ça a été assez glauque, puisque d'abord, les surveillantes, en regardant dans le ton, se sont rendues compte qu'elle s'était ouverte les veines, premièrement. Et ensuite, donc, elles ont fait un petit garrot, elles n'ont pas appelé le médecin. Et ensuite, elles sont revenues une heure plus tard, et là, cette fois-ci, Thérèse s'était pendue. Voilà. Et puis, il y a Sana, et Sana, c'est en fait... Comme tu l'as si bien écrit, Claudine, ces deux histoires carcérales vécues pas du tout de la même façon. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit Thérèse ou que ce soit Sana, la justice, quand elle incarcère, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle détricote des liens sociaux qui existent un petit peu. C'est-à-dire que les détenus, il y en a qui ne travaillent pas, qui n'ont pas travaillé depuis des longues années, mais il y en a qui travaillent, contrairement à ce qu'on croit. C'est-à-dire qu'il y a des détenus, par exemple, il y a beaucoup de détenus, puisque la France en manque, qui sont auxiliaires de vie. Il y a des détenus qui sont caissières, etc. Donc, il y a des détenus qui ont un logement, qui sont hébergés, etc. Qu'est-ce que fait la prison? Donc, elle désociabilise, on est bien d'accord. Comment elle désociabilise? Très simplement, quand vous allez en prison, qui va payer votre loyer? Personne. Mais, de surcroît, quand on perd l'appartement où on était avant d'être incarcéré, on perd aussi les affaires qui sont dedans. C'est-à-dire que personne va venir, enfin, les personnes qui sont incarcérées, comme je dis toujours, ont toujours le même profil socio-culturel, ethnique et même la même histoire familiale. On retrouve toujours les mêmes personnes. En revanche, le crime, on le sait tous et toutes, il circule dans toute la société. Donc on devrait avoir normalement, une représentativité à l'intérieur, et ça c'est pas de la provocation, mais on l'a pas à l'Assemblée nationale, la représentativité. Mais on l'a pas non plus dans la cour de promenade en prison. Et ce n'est pas normal ça. Ce n'est pas normal qu'il y ait toujours les mêmes en prison. Puisque le crime, les délits, les crimes et les meurtres circulent dans toute la société, dans toutes les classes. Donc théoriquement, on devrait avoir les mêmes personnes en prison. Très, très logiquement. Bon. Donc, il y a toujours le même profil socio-culturel, ethnique et familial en prison. Alors, effectivement, Thérèse, elle n'appartenait pas à ce profil, et je vais en parler tout à l'heure par rapport à Sana, pourquoi quelque part, paradoxalement, Sana va être sauvée par ça. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est que les personnes qui ont un logement, on les désocialise parce qu'elles n'ont plus de logement après. Elles n'ont plus les affaires qui sont à l'intérieur. Les personnes qui travaillent n'ont plus leur boulot. Bon, non seulement elles n'ont plus de boulot, mais elles n'ont plus de travail. Mais en plus, si vous voulez, de surcroît, elles accumulent des dettes. Parce que, par exemple, votre propriétaire, vous allez 6 mois en prison. Vous ne le payez pas l'appartement pendant 6 mois, la location. Ça peut durer même plus. Il commence un truc pour d'expulsion, mais il vous fait pas grâce de tous ces mois. Bon, là. Donc, elles ressortent sans logement, avec une dette accumulée, sans leurs affaires et plus de travail. Et puis arrive un moment où on nous convoque en nous disant, écoutez, c'est la loi, on vous propose effectivement de sortir soit à mi-peine, soit à un tiers de peine. Et on va commencer à travailler pour que vous puissiez sortir avant la fin de votre peine. Et qu'est-ce qu'on nous demande à votre avis? Les preuves d'un travail, les preuves d'un logement, aider aussi une assistance ou une entraide familiale, et souvent l'incarcération rompt les liens familiaux. Donc si vous voulez, c'est absurde, c'est complètement paradoxal, c'est-à-dire que le système désocialise et après demande impérativement des preuves de socialisation pour faire sortir les personnes. Mais je n'ai pas tout dit. En plus de ça, on vous fait un petit cadeau, parce que l'administration pénitentiaire et la justice ne vont pas vous lâcher comme ça, c'est pas possible, c'est... On vous fait un tout petit cadeau en sortant quand même. Vous ne sortez pas les mains vides. Et ce cadeau, c'est le casier judiciaire. Donc on est bien d'accord. Vous avez peut-être un logement, un travail, des liens familiaux et vous n'êtes pas endetté. Et vous ressortez avec pas de logement, pas de liens familiaux, plus de liens familiaux, endetté, plus de travail et avec un casier judiciaire. Donc, si vous voulez, même la personne la plus vertueuse du monde ne peut pas ne pas récidiver. Parce que pour moi, je pense que c'est dans une espèce de mécanisme où c'est une espèce de machine qui s'emballe toute seule, qui crée comme ça. C'est une espèce de cancer comme ça. Et ce que je dis que la mort, c'est une espèce d'affolement de cellules, quoi, de catastrophe cellulaire. Et finalement, l'incarcération, c'est aussi une catastrophe administrative, quoi. C'est-à-dire que à chaque fois dans les tribunaux, on vous ressort la même histoire et on vous demande, je ne sais pas si vous savez, des garanties de représentation. Il y en a qui savent ce que c'est. Donc les garanties de représentation, en fait, quand on est au tribunal et qu'on sait et qu'on a commis quelque chose, on juge les faits, mais on juge surtout les garanties de représentation, c'est-à-dire ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire logement, travail, etc. Donc ils comptent autant. Et moi, je me suis fait applaudir à deux reprises lors de mon dernier procès. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai dit à la cour, écoutez, si vous jugez par des garanties de représentation, vous n'avez qu'à enfermer toutes les personnes précaires, vous prendrez le temps de trier sur place, mais ça vous fera gagner du temps. Et après, vous allez trier, vous enfermez tous les précaires, après vous allez trier, vous allez bien leur trouver quelque chose à leur reprocher. Bon. Et aussi, je me suis fait aussi applaudir à une deuxième chose. C'était la première fois en 2008. Moi, quand le président de la cour a dit la peine qui était absurde, d'abord j'ai cité Talleyrand en disant je ne parle pas de la personne qui a écrit ça, je parle de la phrase qui m'intéresse. Tout ce qui est excessif devient insignifiant. Voilà. Et j'ai applaudi. Voilà, je me suis foutue de lui. Et il m'a dit, madame, il me reste encore une possibilité de mettre un mandat de dépôt pour qu'il n'avait pas fait. Et il m'a dit, on n'applaudit pas, on n'est pas au cirque. Je lui ai répondu tout go, monsieur le président, vous applaudissez quand vous êtes au cirque, moi j'applaudis quand je suis à la Comédie Française. Je vous jure que je l'ai fait. Voilà. Moi quand j'applaudis, c'est à la Comédie Française. Et j'ai eu le temps aussi. Et c'est là qu'il a dit, je peux encore mettre le... Oui. Et il m'a dit, et après il y a une personne qui voulait être gentille avec moi, la pauvre, qui m'a dit, vous êtes bien nerveuse, calmez-vous, mais elle m'a dit ça de façon très gentille, quoi, c'était la greffière, et je lui ai dit, c'est la justice qui est nerveuse, madame. Bon. Et puis alors encore un dernier truc. C'est que j'en avais parlé à mon avocate commis d'office, mais elle m'a dit non, c'est pas bon, ne faites pas ça, je vous en supplie et tout. Mais ça m'est sorti, j'ai pas pu m'en empêcher. Au tribunal, c'est juste que j'ai dit après que la. Oui, parce que ce qui est dégueulasse, c'est que les avocats, en fait, ils vous défendent, mais ils vous enfoncent aussi. C'est-à-dire que c'est des avocats de garde qui sont pour la journée et qui font complètement de la défense, de la définition de fou. Quoi. Je sais pas comment ils arrivent à rester comme ça dans une espèce d'équilibre moral. Parce que la morale, c'est le contraire de la loi, on est bien d'accord, il y a un hiatus. Et donc, mon avocate commis d'office m'avait dit non, je vous déconseille fortement. Et puis, quand elle a entendu que j'ai pas pu ne pas le dire, elle avait une mine catastrophée. J'ai dit écoutez, je viens d'entendre l'avocat de la partie civile, je viens d'entendre tous les membres de les assesseurs, le président de cour, etc. Excusez-moi de vous dire et permettez-moi de vous dire à tous et à toutes que ce que j'ai commis, ça reste quand même un petit drame bourgeois. Et donc, ils n'ont pas été du tout contents. Je suis très étonnée par la disproportion des peines que j'ai eues à chaque fois. Mais bon, ce que je veux dire... Non, mais attendez, vous savez, après je me suis dit, 3 mois en plus ou en moins dans ma vie, je vais oublier, quoi. C'est l'électrochoc d'être incarcéré qui est très, très, très violent. Parce que c'est faire partie de la lie de la société, de la poubelle, des égouts. C'est fini une fois qu'on est incarcéré, c'est même pas la peine. Quand la première fois j'ai passé une nuit en prison, ce qui est bizarre, c'est que j'ai ressenti, je me suis dit, mais à quoi ça sert que j'ai tant travaillé à l'école, à quoi ça sert tous ces livres. Non, mais je me suis dit, c'était même pas la peine. C'est vraiment pour. Voilà, quoi. Il y a un truc, on se dit, mais tout ça pour ça. C'est quand même très, très, très violent, hein, l'électrochoc. Donc, je me suis dit, voilà, je me rappellerai au moins ce que j'ai dit. Voilà, tandis que 3 mois ou 3 mois en plus ou en moins. Et en fait, Sana, c'est une personne qui n'a pas du tout la même, disons, la même, le même passé que Thérèse, qui n'a pas la même structure mentale, qui n'a pas la même approche, etc. Sana, donc, c'est quelqu'un qui est né au Maroc et qui est devenu très très vite, qui a bu de l'eau un peu infestée et qui est devenu poliomyélite. Alors qu'en France, c'est pour ça que je précise, Waliné, alors qu'en France, il y avait eu déjà une prophylaxie de... Je permets de saluer Moussa qui fait un très gros travail, je peux le dire, sur Radio Galère. Elle met quand même toutes les semaines, avec les détenus, elle met les chansons, les musiques que les familles ou que les détenus eux-mêmes, ou que c'est vraiment à saluer, quoi, parce que moi là je suis une bouffonne, je vous parle de mon livre, mais elle est complètement dans la réalité de la situation, voilà, toutes les semaines, à la radio, elle passe les chansons, les dédicaces. Donc moi je trouve que c'est très honorable, quoi. Et donc, Sana, en fait, ce qui se passe, c'est que elle, donc, du bled où elle est née, elle a eu la polio, elle a été très handicapée, très malade, avec une attelle du genou, une canne, etc. Ensuite, on l'a mis effectivement dans une cité d'enfants, et ensuite en prison. Donc moi je dis, c'est Made in France pour moi. C'est vraiment fabrication 100% française, quoi. Voilà, un trajet, un parcours, voilà, fabriqué de toutes pièces. C'est mon avis en tout cas, hein, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en revanche, elle, comme elle a dû se créer, se construire des outils existentiels pour survivre à sa maladie, etc., elle, à un moment donné, quand elle atterrit en prison, elle a de la force. Elle, c'est une guerrière. Et elle a ce que j'appelle, je donne la définition, la machine dialectique à se raconter des histoires. Donc pour moi, c'est un peu la définition de la mythonomie. Voilà. Et donc, elle s'en sort grâce à ça. C'est-à-dire que c'est elle crée sa réalité. Et c'est là où je dis, elle a grandi les murs de la prison, des parloirs, de la cour de promenade, etc. Et donc, elle a tellement une force, elle projette tellement tout son imaginaire que en fait, elle déstabilise aussi toutes les personnes, en fait, même les surveillants qui courent dans tous les sens parce qu'elle dit, mais non, moi, je suis venue depuis quelques jours, mais j'ai quand même droit à une permission. Et donc, elle fait naître le doute. Elle fait naître le doute chez les surveillants qui se disent, ah, peut-être qu'on a oublié, on va vérifier les papiers, on va vérifier les registres, etc. Et pendant 2 heures, c'est le bordel, passez-moi l'expression, parce que peut-être qu'on a oublié, peut-être qu'on a commis une erreur, et donc elle déstabilise complètement l'institution. Et Sana, en fait, Sana, la première fois qu'elle s'est fait prendre, c'est, elle était mineure, et elle était donc dans sa cité, elle était en train de conduire une voiture, elle était mineure, elle n'avait pas de permis. Et si vous voulez, je vous lis un petit extrait, parce que c'est un peu drôle, ça vous dit ? Oui. D'accord. Donc j'avais intitulé le corps imaginaire incarcéré deux fois, le corps incarcéré deux fois par rapport à Sana, parce que c'est l'incarcération physique de la maladie. Et je fais un parallèle tout au long de ce texte sur Sana. Je fais un parallèle entre deux virus, et il y a quelqu'un qui m'a dit, vraiment, tu vas fort, Brigitte. Tu vas fort parce que c'est quand même gonflé. Tu sais qui c'est, Joseph, qui m'a dit ça. Qui m'a dit, attends, faire un parallèle et une comparaison entre une maladie infectieuse et la prison, c'est quand même un peu fort de café. Et j'ai dit, mais c'est un compliment que tu me fais, là. Parce qu'effectivement, je pense que la prison, c'est une maladie infectieuse. Je pense. Voilà. Donc, je dis que c'est viral. Donc, je parle du virus de la polio. Donc j'ai fait une espèce d'historique, quand est-ce que c'est apparu, comment on a essayé la prophylaxie de la polio. En des termes de pays riches et de pays pauvres, les pays riches ont su, ils ont eu un vaccin, et comment on va essayer de traiter ça, etc. Quels sont aussi les survivants et les survivantes de la polio, en nombre aussi, combien il y a de personnes, et c'est à peu près 50 000 survivants qui sont poliomyélite avec des traces, avec des séquelles. Et maintenant, je parle d'un autre virus. Et je l'appelle le virus liberticide. Ce virus-là n'est pas né, il n'a pas toujours existé. C'est suite à des réformes, parce que l'histoire de la prison, c'est avant tout l'histoire d'un lieu où on mettait les gens, on obligeait les gens à rester en attente soit d'une peine de mort, soit d'un châtiment corporel. Mais la prison, ça a été avec des réformes judiciaires, ce n'est que depuis très peu de temps que la prison est un châtiment, est une sanction en elle-même. Hein. Donc, en fait, moi ce que je dis, c'est que on met du temps dans l'espace. C'est-à-dire que l'être vivant, on est tous, c'est un truisme que je suis en train de dire, on est tous dans un schéma, dans une courbe comme ça, de horizontale et verticale des abscisses, en fait, temps et espace. À un moment donné, on a trouvé une façon, et là, même avec l'abolition de la peine de mort, on a trouvé une façon de faire mourir les gens sans les tuer, quoi. C'est-à-dire, on les enferme, c'est-à-dire, on les restreint. C'est-à-dire, à un moment donné, vous remettez en arrière, il y a 25 ans, par exemple. En 25 ans, vous avez fait des choses. Vous n'êtes pas le même homme, vous n'êtes pas la même femme. Vous avez fait plein de choses en 25 ans. Des erreurs, comme des choses dont vous êtes fiers, etc. Mais quand vous prenez 25 ans de vie de quelqu'un qui est incarcéré, évidemment, bon, c'est un peu de la mort quand même, parce qu'il n'a pas pu faire toutes ces choses. Et donc, effectivement, c'est un virus liberticide. Et contrairement à ce qu'on croit, et là, je suis d'accord avec Michel Foucault, contrairement à ce qu'on croit, moi, ce que je crois, et dans ma propre expérience personnelle, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que quand vous avez une... Moi, uniquement par bonne éducation, je ne réponds jamais aux convocations de la police. Parce que je trouve que c'est d'une violence, c'est d'une impolitesse terrible. Non, mais je plaisante pas, en plus, je suis peut-être charrée, mais je ne plaisante pas. Je ne peux pas, et je veux dire, personne au monde peut m'envoyer une convocation telle heure, tel jour, quoi. Ce n'est pas possible pour moi. Alors, mon médecin, ma généraliste, j'ai dit, est-ce que c'est plus pour tout le monde, pour pareil ? Non, pas du tout. Mais je ne peux pas, je veux dire, qui se démerde, les flics ? S'ils veulent m'entendre et me voir. Mais qui se démerde ? Je vais pas travailler à leur place. Ou alors, je m'appellerai à Balance et il faut qu'ils me payent pour ma propre... pour me donner moi-même, quoi. Donc, qui se démerde, voilà. Et c'est pour ça que c'est scandaleux. J'ai été jugée, moi, une fois, par défaut. C'est-à-dire, je suis pas là, mais on fait quand même votre jugement. Voilà. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'avocat. Il y a l'avocat de la... Voilà. Il y a leur propre avocat, procureur, etc. Ils font comme si, voilà. Il n'y a pas de souci. On va la condamner. Elle est obligée de... Je l'ai appris par Internet, par un mail. Quelqu'un qui m'a envoyé ça, je sais pas où il a eu. Enfin, bref, un truc de fou, quoi. Et donc, moi, je dis que je suis d'accord avec Michel Foucault, c'est-à-dire que paradoxalement, contrairement à ce que la plus majeure partie des gens croient, c'est pas en allant aux convocations, c'est pas en allant vous défendre, c'est pas vous aider la justice quand vous faites ça, paradoxalement. Vous aidez la justice. Voilà. Vous êtes là présent, vous acceptez. Vous êtes là. Voilà. Et vous vous défendez dans l'espace offert par la loi et par la justice. Donc vous êtes marron, de toute façon, même si vous êtes extrêmement brillant, même si vous êtes marron. Alors, l'idéal, mais je sais que c'est très rare, l'idéal, en fait, il y a deux choses. Il y a soit s'en servir comme une tribune, c'est-à-dire être complètement décalé, c'est-à-dire parler de la poésie, quoi, comme je le fais, c'est-à-dire dire dire mais non, mais moi c'est pas le cirque, moi on va parler maintenant du grand théâtre, quoi. Bon, ils veulent jamais faire ça, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est soit faire ça, soit vraiment ne rien dire. Mais je vous assure que effectivement, on a une peine quand on fait ça énorme. Elle est décuplée, elle est multipliée, etc. Mais si tout le monde faisait ça, mais on pourrait plus être jugé. Et c'est comme l'histoire de la cour. Et tout le monde doit se lever. Si vous ne vous levez pas, vous prenez 6 mois en plus. C'est obligé, quoi. Et moi, sans savoir, je ne savais même pas que historiquement, la cour, ça voulait dire la cour royale. Mais je l'ai perçu, la façon. Et quand on me dit la cour, et que tout le monde se lève, alors que tout jugement pour moi est une bouffonnerie, ça ne peut pas être. Ça ne peut pas ne pas être une bouffonnerie, les jugements. Ça ne peut pas. On va vous juger pour des faits de façon partielle et partiale. Évidemment, on ne peut pas faire autre chose. Et on va vous juger sous un angle qui est forcément limité et délimité. Et en fait, le débat, soi-disant contradictoire, c'est le débat démocratique, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien dire d'intéressant et de... Voilà, vous ne pouvez rien dire. C'est impossible. Bon. Donc, si vous voulez... Quand la cour vient et dit la cour et que tout le monde doit se lever, ça y est, on est marron, c'est même pas la peine, ça commence très très mal, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible de cautionner, et il paraît que ça vient historiquement de la cour des rois. Donc on devrait jamais accepter ça. Jamais, jamais, jamais. Bon, alors évidemment, on accepte parce que, je ne sais pas pourquoi, moi, mon avocate, pourquoi j'ai accepté, pour finir, de donner mes empreintes digitales, parce qu'elle était très jolie, que j'avais pas mangé depuis 48 heures, et que je vois comme une femme magnifique arriver et me dire, écoutez, je suis là pour vous, alors vraiment, je vous conseille d'accepter les empreintes, pas digitales, pardon, ADN. Je vous conseille, et voilà. Et donc, j'étais épuisée, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est horrible, et Michel Foucault l'a très bien senti, c'est que à un moment donné, quand vous rentrez dans leur système, vous avez une manœuvre qui est très, très, très limitée. Bon, alors, on n'est pas tous des héros et des héroïnes, évidemment, parce que on vous met dans une situation, en plus, quand on a des médicaments à prendre, alors, je ne dis pas, bon, c'est encore plus insupportable parce qu'ils font du chantage, etc. Et puis, il y a autre chose. Donc, Michel Foucault dit, ce n'est pas paradoxalement en rentrant dans le mécanisme en disant, on vous dit toujours dans une procédure judiciaire, vous inquiétez pas, vous allez nous le dire, vous allez nous dire votre point de vue, vous inquiétez pas, mais ça n'arrivera jamais, ça ne peut pas arriver, c'est impossible, c'est incompatible avec comment ça se fait, c'est impossible. Et donc, à un moment donné, c'est comme avant, je disais pourquoi, il y avait toujours quelqu'un de très intéressé à la fin en me disant, mais pourquoi vous avez été en prison? Et moi, en fait, bêtement, je disais, parce que j'étais aussi aliénée, en me disant, on va me dire, vous, c'est pas grave. Voilà. Donc, c'est-à-dire désolidariser des autres détenus. Donc, ce qui est moralement, pour moi, maintenant, inacceptable. Et genre, on a été injuste avec toi, ma pauvre Brigitte Brami, tu méritais pas tant que ça, oui, etc. Mais maintenant, je ne rentre plus dans ça. Pourquoi je ne rentre plus dans ça? C'est très simple. Ça peut se trouver partout sur Internet. Parce que moi, je parle depuis mon corps. Je ne parle pas, je ne suis pas la porte-parole et la représentante d'une cour, d'un juge, d'un président et d'un procureur qui va m'avoir condamné. C'est-à-dire que je n'ai pas à toujours, quand on me le demande, dire pourquoi je suis allée en prison. Pourquoi? Parce que quand je disais pourquoi j'étais allée en prison, je n'étais plus Brigitte Brami, mais j'étais le procureur, j'étais le président de cour et j'étais le juge. Or, qu'ils le disent, eux, qui continuent à le dire, écrivez-leur, regardez sur Internet. Mais moi, je suis Brigitte Brami, donc j'ai une parole de poète. Donc je ne vais pas dire, ah ben voilà, j'ai été jugée pour... Non, c'est pas moi qui vous le dirai, en tout cas. C'est trouvable partout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de rester dans sa parole. Parce que eux, les présidents de cour, ils ont des petits délégués sans faire exprès partout, quoi. Ils ont des petits disciples, des petits flics, des petits juges, des petits procureurs de partout qui apportent la bonne parole, quoi. Voilà. Et moi, je ne veux plus ça. Je veux, en fait, rompre ce truc-là. Voilà. Je veux rompre ce truc-là et dire, moi, je parle en tant que poète. Et d'ailleurs, Sana, en fait, elle a réussi le miracle de la poésie, finalement. Le miracle au sens non théologien, évidemment. Et en fait, c'est quoi le miracle de la poésie? C'est à un moment donné, justement, rompre avec un espace cartésien, rompre avec, c'est ce que je dis dans le livre sur Jean Genet, la dialectique du pouvoir et du contre-pouvoir. Et du contre-pouvoir. Voilà. C'est ça qui est très très difficile. Très très difficile. D'être ni dans le pouvoir, ni dans le contre-pouvoir. Voilà. Et c'est pour ça que je parlais militant, militaire. Et souvent, Jean Genet, dans le balcon, par exemple, il en parle beaucoup de ça. Il en parle énormément beaucoup de ça. Qu'à un moment donné, il suffit de changer tout pouvoir va avoir ses flics, hein. Tout pouvoir va avoir ses flics pour qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir. Et ça va définitivement, ça va tout le temps se refaire, etc. Il va y avoir tout le temps les mêmes répressions, tout le temps. Voilà, donc aussi, si simplement on sent simplement d'idéologie, ça ne sert strictement à rien, pour moi. Bon. Et donc, je vais vous dire pourquoi Sana, elle a réussi quand même à aller ailleurs. Et puis, la première fois, comment elle s'est fait arrêter. Et moi, je trouve que c'est assez marrant. La toute première fois, elle s'est fait arrêter juste avant sa majorité pour une absence de permis de conduire. Et très récemment encore, quand elle a montré aux flics qu'elle lui demandait ses papiers et ceux de la voiture, la feuille rose légèrement cartonnée et pliée en 3 volets avec écrit dessus en italique « spécimen », ça a commencé à tourner mal. Et elle a juste eu le temps de dire en guise d'excuse qu'elle n'avait pas la maille pour aller à l'auto-école, faire mumuse à apprendre des trucs qu'elle savait déjà de façon empirique. Et qu'elle avait tout simplement tenté le coup avec ce qu'elle avait trouvé glissé dans les sous d'un portefeuille volé neuf aux étalages bon marché du Printemps Nation. Quelle maille y avait-il donc à cela, puisque de toute sa jeune vie, elle n'avait blessé personne? Ils veulent du papier, je leur en aurais donné. De quoi ils se plaignent? Elle ne plaisantait pas. Elle allait juste au bout de leur absurdité, en prenant leur invention au pied, pas à la jambe évidemment, de la lettre. Pas besoin de papier pour savoir conduire. Pas besoin de papier d'identité pour exister. Le seul papier qu'elles jugeaient matériellement indispensable, le papier toilette, pardi. Et quand elle sortira de Zonzon, comment croyez-vous qu'elle estimera sa virginité pénale? Avec encore une fois du papier, mais pas exactement à l'identique de celui d'un extrait de casier judiciaire. Il s'en était suivi une fouille méticuleuse du véhicule et la découverte dans la boîte à gants de drogue. Pas grand-chose, juste quelques grammes, mais avec l'excès de vitesse dont je ne vous ai pas encore parlé jusqu'à présent, ça faisait un peu trop pour obtenir la clémence d'un juge qui prit tout de même compte lors de l'audience de l'argumentation à la rhétorique, certes originale, mais pas assez convaincante de la jeune femme. Et donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle vit, intensément la vie de façon présente, de façon incarnée, elle fragilise finalement, sans le faire exprès, les institutions, le système, car elle montre que finalement, tout ça, tous ces papiers, tous ces trucs, tous ces contrôles, etc., ça ne sert à rien. Et ce que je voulais dire aussi, concernant ces deux jeunes femmes, c'est que ces deux jeunes femmes étaient des jeunes femmes hétérosexuelles, pas du tout féministes, du moins elles n'étaient pas, elles n'en avaient pas conscience, et qui pourtant apportent quelque chose de très nouveau et de très beau sur les relations des femmes qui sont pas du tout dans une image traditionnelle, etc. Puisque Il y a 3,6% des femmes qui sont incarcérées contre 96,4% des hommes. Et donc, évidemment, les femmes incarcérées, quelque part, c'est des révolutionnaires, donc sans le savoir. Ce n'étaient pas des femmes qui étaient politiques. Elles n'étaient même pas de gauche, ni libertaires, ni rien. Donc, c'est des femmes, finalement, qui parlent leur destin. Et c'est là où on en retrouve le côté liberté. C'est-à-dire, juste en vivant, et en vivant comme elles le souhaitent, et en ne lâchant rien, en fait, deviennent plus féministes que les féministes, plus révolutionnaires que les révolutionnaires. Et les 3,6%, c'est pas évidemment parce que les tribunaux sont beaucoup plus gentils avec les femmes, mais c'est tout simplement parce que ces femmes-là ont réussi à aussi faire exploser tous les clichés. Et finalement, parce que les tribunaux sont beaucoup plus sévères avec les femmes qu'avec les hommes, parce que tout simplement, elles ont rompu le pacte social et le pacte un peu caricatural de l'imagerie traditionnelle. Mais c'est des femmes, effectivement, qui ont rompu plusieurs pactes comme ça, consensuels. Et finalement, Sana, elle dit qu'elle va avoir une permission parce qu'elle attend de manger son couscous, sa pizza et son kebab. Et jamais sa famille ne viendra la voir. Et jamais elle n'aura de permission. Et c'est quelqu'un qui va quand même s'inscrire dans la chair de la réalité, juste en existant. Et je pense que je vais finir comme ça, c'est-à-dire que... Sana continue à cracher des gros molars et à raconter qu'à la barre, lui, à la barre, on lui rendra sa liberté. Qu'on aménagera sa peine en simple contrainte pénale et non contrainte par corps. Et quand on lui parle du bracelet électronique, elle pousse de rire. Quoi, en plus de la jambe, de la canne et de la telle, il faudrait me rajouter quelque chose? Pourquoi pas un collier électronique ou bien carrément une muselière comme les chiens pour fermer ma grande gueule? Mais moi, je n'ai rien fait, mais retorteront quelques poliomyélites. Et Sana, croyez-vous qu'elle a fait quelque chose? Demandez-le lui. Elle vous convaincra aussitôt du contraire, en vous racontant des histoires sur la vieillesse qui rend tout le monde pareil, des histoires sur la non-nécessité du permis de conduire, des histoires sur sa sœur qui est nettement moins crédible qu'elle, des histoires sur une permission à laquelle elle a eu droit, quelques jours après avoir été incarcérée, des histoires sur l'éradication de la polio, juste un an après qu'on en ait contracté le virus, des histoires de médecins et de juges. C'est mercredi que Sana nous raconta ce qui précède, c'est-à-dire son invalidité, elle qui rêvait d'un monde où ni la sensation, ni l'absence de sensation ne tue. Le corps incarcéré deux fois, le corps deux fois vainqueur grâce à l'imaginaire. Il a expérimenté, éprouvé, et il en ressort vivant, et de l'enfermement, et du handicap. Et Sana qui s'est fait le cuir en prison, continue à transformer la réalité, a transformé à l'instar de Genet ses crachats en bijoux et sa béquille en épée. Faites du bruit, faites beaucoup de bruit, chers amis, car Sana n'a toujours pas eu son mandat, ni son kebab, ni son couscous, ni sa pizza, ni sa permission, ni sa libération à la barre, pas plus que sa guérison. Faites du bruit, applaudissez donc, chers amis, car Sana nous entend depuis sa cellule de la maison d'arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis. Et elle se lève, elle laisse sa canne comme un point tendu en guise de remerciement. Et tout le métal des prothèses de tous les handicapés de la France entière, passant en ce moment sous tous les portails, tous les portiques de sécurité, de tous les lieux d'enfermement, enclenchera un bruit, oui, un bruit de clous des spectacles, un bruit de feu d'artifice. J'attends vos questions avec beaucoup d'impatience. Tu disais que ce n'était pas à cause de la clémence des juges qu'il y avait beaucoup moins de femmes que d'hommes en prison, alors qu'il doit y avoir autant de délinquants que de délinquants. Délinquants, les mots. Alors, du pouvoir, pourquoi... Alors, je vais vous dire, parce que justement, paradoxalement, et il faut se méfier. Merci, c'est une très très bonne question. Alors juste une question, est-ce que ça vous, si quelqu'un, ça dérange quand on enregistre le débat, il vous dit, et puis on arrête tout, si ça dérange personne, on continue. Bon ? Ok. Donc c'est une très très bonne question, je vous remercie. C'est une question très subversive en fait. Oui, pourquoi elle est subversive cette question? Souvent il faut comprendre le monde à l'envers finalement. On est dans une société tellement où on mâche sur la tête que parfois on a de la chance de remettre juste les choses comme ça. Voilà, inversement, et on comprend tout. C'est-à-dire que paradoxalement, moi je pense qu'effectivement, c'est très subversif pour des femmes de commettre des délits et de se retrouver en prison. Parce qu'en fait, déjà elles échappent au rôle traditionnel et effectivement elles payent beaucoup. Je suis persuadée, et je l'ai vu de mes propres yeux, que c'est pas la clémence des juges qui fait que les juges, ils n'en ont rien à faire, si une femme a un enfant à élever, si elle est malade, je veux dire, il n'y a que Papon à qui on donne une permission pour des raisons de santé, il y a plein de personnes qui ont le sida, qui sont en phase terminale de cancer, enfin, il y a plein de gens... Rouillant a été malade jusqu'à très très très très longtemps avant de pouvoir sortir. Enfin, je veux dire, il y a énormément de grands malades en prison, il faut le savoir. De très très grands malades, hein, c'est-à-dire de malades, c'est-à-dire qui vont vraiment mourir parce qu'ils ont des très grosses pathologies, qui vont faire leur chimio. Enfin, ça c'est vraiment, c'est malheureusement banal, qui découvrent qu'ils ont le cancer en prison, ce qui est vraiment très très lourd. Enfin, voilà, c'est pas parce qu'on est malade, ni parce qu'on a un enfant à élever, ni parce que... Non, ça n'existe pas, ça existe que dans la tête des personnes. Bon. Non, je pense qu'effectivement, je pense que être une vraie voyelle, et ben voilà, que ça nécessite aussi une espèce de force, être une vraie guerrière, etc. Ça nécessite dans la réalité une espèce de force, et c'est pas tout le monde qui va être Albertine Sarrazin, c'est pas tout le monde qui dans la réalité déjà va faire voilà quoi. Donc c'est aussi une prise de liberté paradoxalement, même si on se retrouve en prison quoi. C'est ce que j'ai vu maintenant, j'ai pas tout vu dans ma vie, voilà. Et c'est une très bonne question. Je pense que pour apprécier à quel point la prison est destructrice de l'individu, il faut prendre en compte ce rapport au corps et à l'espace, oui, que tu dis. Quoi. Mais il y a aussi le rapport de l'individu par rapport au temps. Au temps. Oui, j'en ai parlé. Voilà, dans un univers où le temps... Oui, oui, j'en ai parlé, tout à fait. Et il y a aussi cette dimension de la dignité des individus par rapport aux droits. Absolument. On est dans un endroit où les droits ils sont complètement liés. Et dès qu'on veut faire valoir ses droits, qu'on lève un peu la tête, là on a affaire à une violence. Oui, bravo. À une violence démesurée. Oui. J'aime pas parce que c'est ce qui est arrivé à une détenue que tu as peut-être croisée dans le film des registres, Christine Ribahi. Ou alors elle est venue. Rappelle-moi ce qu'elle avait, comment elle était. Comment... Ouais, elle est boulotte un peu, avec les cheveux blonds. Ok, quelle année? Elle est arrivée en 2014, elle est restée à peu près 6 mois ou un an, puis elle est partie dans notre prison. Ouais. Et elle est arrivée directement au cachot, hein. Elle venait de Rennes. Ah oui, je crois savoir qui c'est. Voilà, elle venait de Rennes, elle est arrivée directement au cachot. Et elle a pu tenir le coup parce que. Je crois savoir qui c'est. Des fois, elle se demandait comment elle arrivait à tenir ce qu'elle a subi dans les prisons, quoi. Et elle arrivait à tenir le coup, alors chacun a sa méthode, quoi. Ouais. Non pas à ses mentales des histoires, mais à ne permettant au plus atteinte à sa dignité. Mmh. Ce qui a l'a payé d'une manière extraordinaire. Ouais. Des fois, elle a été couverte de la tête aux pieds de bleu. Elle est rentrée pour quelques mois, elle a fait 4 ans et demi de prison. Et quand elle est sortie, en fait, elle est bergère, quand elle est sortie, son travail a été bousillé, oui, parce qu'ils y ont démoli un genou, elle ne pouvait plus marcher. Mmh. Ils l'ont tenue attachée pendant des jours et des jours sur un lit, elle en a fait un œdème pulmonaire, donc elle n'avait plus le souffle pour faire ça. C'est des trucs horribles. Quoi. Oui, je vais te donner des informations. Voilà. Et en même temps, c'est ce qui lui a permis de tenir et de ne pas se foutre. Oui, alors c'est très pervers la prison, je vais vous expliquer, parce que justement, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que paradoxalement, les deux endroits où les lois, parce que moi je dis les lois, je dis pas la loi, pourquoi? Parce que pour moi il y a la liberté et des lois, et non pas la loi et des libertés. Parce que pour moi, la loi c'est pas un truc universel, et c'est des lois qui soi-disant nous aideraient, voilà. Mais c'est des règlements, c'est des lois. C'est pas la loi, et la liberté c'est plus important que des lois, quoi. Voilà. Alors, les endroits où il y a le moins, où on respecte le moins les lois, paradoxalement dans un commissariat et en prison. Merci d'être passé, c'est gentil. J'espère que vous avez apprécié. Ouais, ouais, merci clairement. Beaucoup, bonne soirée à vous. Merci. Donc, c'est dans les commissariats et dans les prisons que ces lois ne sont pas respectées bizarrement. C'est curieux quand même, hein. C'est pas curieux, mais bon, c'est quand même des institutions. Bon. Je suis tout à fait d'accord avec toi, donc pour ça. Il y a autre chose, une façon de massacrer les personnes, de piquer leur corps, hein, parce que c'est quand même ça, la prison, c'est pour faire plier les corps, hein. Bon, au dimension. Il y a l'histoire, quand tu me parles de Christine, que je crois avoir connue, quand on fait tenir une femme, quand on l'empêche de... Quand on l'aliène au sens strict du terme, c'est en fait, on la psychiatrise, c'est-à-dire qu'on lui donne des neuroleptiques, elle grossit énormément, je connais des personnes qui ont 40 kilos, hein. Et aussi, on lui met des liens. Et donc, on lui donne des neuroleptiques qui la rendent complètement inerte, parce que c'est une façon d'annihiler le corps que de donner des substances qui vont vous faire prendre 40 kilos. Moi, j'en ai connu une, Fatia, hein. Voilà, quoi. Elle ne reconnaissait plus non plus son corps. Et aussi, soi-disant pour elle, on va l'endiguer, soi-disant parce qu'elle est susceptible de se suicider, on va l'attacher comme ça. C'est aussi une violence, c'est pareil, c'est une violence qui fait partie aussi, une violence institutionnelle qui fait partie de l'incarcération, qui peut faire partie de l'incarcération. Et justement, il y a Fatia, par exemple, qui... je vous en parle parce que peut-être ça vous dit quelque chose. Il y a exactement 11 ans, je ne sais pas si tu dois en avoir marre que je parle de Fatia, Hélène, parce que à chaque fois, je ne peux pas m'en empêcher. Et en plus, ça ne fait pas partie du livre. En fait, Fatia, c'est quelqu'un qui a, elle a été beaucoup, beaucoup médiatisée. C'est une jeune femme qui allait un jour, qui a été convoquée. Il y a eu une enquête sociale. Donc, Thérèse, il n'y a pas eu d'enquête sociale pour savoir si son mari était violent ou pas. Mais Fatia, oui, alors que bon, il n'y avait pas de raison. Et donc, il y a eu une enquête sociale. Un juge l'a convoquée. Et à un moment donné, le juge pour enfants lui a dit c'est plus vous qui allez garder votre enfant. On va le confier à quelqu'un d'autre. Et donc, elle sort un couteau, elle le plante dans le ventre du juge. Voilà. Donc, en réponse, la réponse, c'est fabriquer des portiques de sécurité devant les tribunaux, beaucoup plus... Voilà, c'est une réponse sécuritaire. Et moi, je la vois, parce qu'on parlait beaucoup d'elle... Elle avait un petit avocat commis d'office parce que les débats, ils se font, c'est surréaliste. C'est-à-dire que vous avez des débats, vous avez des émissions toute la journée, etc., des trucs. On ouvre les actualités comme ça et vous avez une pauvre Fatia qui est sans avocat, pratiquement, qui est sous neuroleptique, qui a pris 40 kilos, qui ne sait pas ce qui lui est arrivé. Moi, je vais pour la voir, je parle pendant des heures avec elle en promenade. Je lui dis, mais attends, c'était prémédité, le doute, tu sors ce couteau-là, que tu plantes dans le ventre du juge, là. Là, c'est too much, là. C'est quoi cette histoire, quoi? J'essaie de comprendre, quoi. Je lui dis, c'est pas possible, ce truc. Et elle me dit, mais attends, tu connais pas la banlieue, Brigitte, d'où tu sors ça? C'est vraiment une petite bourgeoise, là. C'est quoi, c'est, mais d'où tu sors, toi, Brigitte? C'est moi qui te pose la question, là. Tu vois pas, là, tu vois pas les personnes autour de toi, là. C'est toi qui as une tâche, c'est pas nous, quoi. Bon. Et donc, elle me dit, mais évidemment qu'on a des couteaux, tout le monde a des couteaux. Et en fait, elle, ce qu'elle faisait valoir, c'est son instinct protecteur de mère, à qui on retirait sans lui expliquer, son enfant, etc. Donc voilà. Et donc, des personnes comme ce genre de femmes qui ne veulent pas se plier non plus à l'institution carcérale, parce qu'en prison, on nous demande aussi des preuves de réinsertion. On nous demande tout le temps. C'est-à-dire, c'est une histoire de fou, quoi. On nous demande de faire des activités, on nous demande de progresser, on nous demande d'être sociable. Et donc, on nous demande de ne pas être déprimé. Mais c'est vrai. Et donc, voilà, des personnes comme Christine ou comme Fatia, voilà, quoi, c'est très problématique. On les violente encore à l'intérieur des prisons, d'une façon ou d'une autre. Jusqu'à présent, je trouve qu'on a bien. Enfin, ça correspond tout à fait à ce que j'ai entendu sur la prison et d'une enquête qu'on a été faite, que j'ai pu faire avec d'autres personnes auprès de familles de prisonniers. Et ensuite, ça a été confirmé par des gardiens, des représentations de cour, des gardiens en prison. Et effectivement, ce qui frappe le plus, c'est vraiment le manque de respect, le manque de dignité. Ils ont fait une faute, et après, je suis allée visiter dernièrement, avant-hier, la prison des Baumettes avant sa destruction, l'ancien bâtiment. Et à la sortie, j'étais un peu effarée par la réaction des personnes qui venaient visiter en disant mais ils ont fait une faute, de toute manière il faut qu'ils mordent la poussière jusqu'au bout, voilà. Donc on a avancé une conversation en disant bah, ils ont fait une faute, il n'y avait pas la faute, on n'a pas besoin d'en ajouter. Enfin, c'est quand même... Et je suis frappée par le manque de dignité qu'il peut y avoir tout au long de leur parcours. Oui, oui. Vraiment, c'est... Alors, et ce que j'ai remarqué dans un film, et je l'ai remarqué auprès de jeunes qui sont passés par la lubie, c'est le corps. Le corps, ils ne veulent plus qu'on frôle leur corps, même voilà, si c'est pas bien mis. C'est l'horreur pour eux. Ils ont tellement été aliénés dans leur corps. Et je pense aussi aux femmes qui n'ont pas de miroir, qui ne peuvent pas se regarder, elles ne peuvent pas s'arranger, elles ne peuvent pas se maquiller, elles ne peuvent pas. Parce qu'il fait partie un petit peu de notre plaisir. Oui, non, mais c'est vrai, c'est tout à fait juste. Je vous remercie vraiment de le relever. Moi, j'ai fait deux séjours en 2008 et en 2013. Et en 2008, c'était de la folie parce que c'était... C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression de... J'avais envie d'être tout le temps à poil parce que je me disais, j'en ai marre de tout le temps me rhabiller, me déshabiller, quoi. Non, mais c'est vrai, parce que... En 2008, on était tout le temps... On devait tout le temps se mettre à poil, mais mettre à poil, et alors les cheveux, est-ce que vous ne cachez pas, et tournez-vous, et relever les pieds. Alors, la seule chose, c'est que j'ai perdu toute ma pudeur, ça a été bien pour ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'après, voilà, bon. mais il y a eu un avant et un après. Et donc, avant les parloirs, qui durent en fait soi-disant une demi-heure, mais en réalité c'est 20 minutes parce que c'est compressé. Mais c'était la folie, on perdait l'après-midi pour un parloir de 20 minutes. Parce que à la fois, et avant, et après, avant la promenade, après le truc, et alors, là maintenant, il y a encore des fous, mais elles vous mettent, je vous jure, j'exagère pas, parce que après, ça m'a refait en 2013, et ça m'a fait des frissons, je me suis dit, c'est bizarre quand même, c'est-à-dire, elles vous mettent les doigts, elles ont des gants, elles vous mettent les doigts à l'intérieur des chaussettes, carrément, c'est-à-dire entre la chaussette et la peau, quoi. Bon, une mission de fou, quoi, pour voir si vous n'avez pas caché des trucs et tout. Et c'est vraiment, c'est, oui, et là, le corps est vraiment très rabaissé parce que ça, il y a quelque chose, lui, comme ça, qui est insensible. Et là, en 2013, après, les fouilles systématiques, c'était fini, quoi. Mais, ce que regrettait que la personne qui nous a fait visiter la prison en disant que, en disant que la ministre qui avait fait ces nouvelles directives avait fait beaucoup de tort. Parce qu'elle passait son temps, hein, mais vraiment... Y compris pour les familles, les personnes qui viennent voir leur famille. Oui, oui. Dit, il ne faut pas que les femmes portent un soutien-gorge avec une armature. Oui, tout à fait, un grand test. Elles ne passent pas. Enfin, il y a plein de choses comme ça Et la famille est aussi humiliée parce qu'elles mettent beaucoup de temps pour avoir au téléphone quelqu'un qui leur donne un rendez-vous, pour les demandes de rendez-vous. C'est une véritable galère, c'est impossible d'avoir un rendez-vous facilement. Et après, s'il n'y a pas de personne pour accompagner au parloir le détenu, la visite peut très bien être très courte. Enfin, il y a plein de choses comme ça et qui humilient vraiment le détenu et la famille. Oui. Si bien que je comprends très bien que quand le détenu sort, surtout quand il s'agit de jeunes qui ont des pulsions plus spontanées, il a envie d'en découvrir. Ah bah oui, mais de toute façon, moi aussi, j'ai envie d'en découvrir. Voilà, c'est... Oui, oui. Juste, je rebondis sur ce que tu viens de dire, là. J'ai vu cette histoire de visite de prison, ça m'a paru... Bon, après qu'on aille voir une prison pour voir à quoi ça ressemble, parce qu'on n'y a jamais été, mais que ça soit organisé par les matons, je trouve ça complètement dingue, parce que ça devait être un discours à leur gloire, parce que nous, notre boulot, va se conduire, mais il va y avoir un équilibre des détenus qui font visiter. Je rebondis sur ce que tu dis. Je rebondis, je m'en rappelle très bien. Pardon, à moins que vous vouliez... Non, mais justement, c'est aussi pour c'est ça... Mais quand j'ai vu la présentation de la visite, j'ai dit c'est un sens. On va s'en occuper. Donc justement, je voulais entendre leur discours. Ouais. Bon, alors il y a des choses qui sont probablement vraies. Hein. Mmh. Mais il y a une part de confusion. Par exemple, nous disant que celui qui est en observation pendant 8 jours, il est dans une cellule avec douche. Oh non. Moi, je n'ai pas vu la douche. On a vu les cellules, mais je n'ai pas vu la douche. Enfin, moi, j'ai jamais vu une cellule de ma vie avec douche. Hein. Vraiment. Il y en a, mais dans les nouvelles prisons. Ah voilà. Moi, je me dis, la prochaine incarcération, c'est au Beaumet ou rien. Dans l'ancien bâtiment. Je m'en fous, mais c'est à Marseille. Comme ça, je suis sûre que vous viendrez me voir. Mais pour rebondir à ce que tu dis, c'est très juste, Philippe, parce que je me rappelle, on était, en fait, les personnes qui deviennent jurées. Mmh. En fait, c'est ce que je dis avec Jacques, on a fait une émission sur... C'est Jacques, le sage de la... Je l'adore. Si c'est quelqu'un que vous connaissez de nom. Tu connais? Non. Ah, j'ai On était en train de dire, comme de toute façon, l'État choisit... des jurés, puisqu'ils prennent des personnes qui votent, l'État choisit ses jurés. Donc c'est aussi, c'est aussi très problématique pour moi. Mais les jurés qui sont choisis, on était dans les couloirs et on a vu une espèce de petit troupeau de jurés auxquels on faisait visiter la prison. Et donc, c'était un peu ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, regardez, il y a la bibliothèque, il y a la salle de... oui, mais c'est ça, la salle de sport, les loisirs, c'est la salle, c'est de cette façon, quoi. Et donc, il y en a un qui a osé poser la question à 100 balles, parce qu'en fait, c'est pas ça la question, quoi, ils sont à côté de la plaque. Mais au moins, il y a des activités. Et donc, mais c'est pas ça la question de l'incarcération, la surveillante qui dit « Ah, vous inquiétez pas, oui, il y a des activités. » Enfin, le truc à côté de la plaque, quoi, vraiment. Tu disais ? Oui, j'ai une autre question. Là, j'ai un auteur que je lis éphémèrement, Albert Camus. Ah oui, bien sûr. La misère de Kabylie. Il commence avec... les Tamazirs et les Kabyles, ils se disent hommes libres, et c'est une société qui n'a jamais développé les prisons. Oui, tout à fait. Moi je pense que dans tout le débat sur les prisons, il faut vraiment appuyer aussi sur le fait que ça existe et que c'est une alternative. Oui, ce que tu as dit tout à l'heure, je disais, oui, oui. Et aujourd'hui, on est tellement, notamment aussi, moi je pense, dans le mouvement féministe, on a tellement des violences qui sont discutées aujourd'hui. Oui, par exemple dans la violence conjugale, dans les violences maintenant avec les nouveaux mouvements et le féminicide. La seule solution, c'est aller en prison, plus de prison, c'est le dernier mot. Alors, c'est super ce que tu dis, parce que figurez-vous que Moi, j'ai écrit une chanson à quelqu'une qui. Cette chanson, en fait, je suis tout à fait d'accord, j'en ai ras-le-bol. Et cette chanson s'appelle Balance ton porc, mais pas à d'autres porcs. Voilà. qui sont les flics. Et moi je dis en fait, ce qu'il faut, c'est carrément une très très grande violence réelle sur le terrain des femmes qui tuent les mecs qui les emmerdent. Quoi. Mais je parle très sérieusement. C'est-à-dire, comme Valérie Solanas, qui les massacre et qui organise une milice pour massacrer les personnes, les attendent, leur couper les couilles. Non mais je parle très sérieusement. Et en prison, la seule chose qui est très très bien, c'est que en prison, c'est le seul lieu où à un moment donné il y a de la morale. Je ne parle pas de la loi, il y a de la morale. C'est-à-dire que par exemple, des personnes qui ont violé ou qui ont des pères incestueux ou des violeurs, d'accord ? Moi, pour tout vous dire, j'en suis pas très fière. Mais j'ai été à la tête d'une brigade anti-pédophile. Mais c'est-à-dire, ce n'est pas le truc, on va vous mettre en prison, on va vous mettre en mitard. On va vous massacrer, simplement. C'est-à-dire... Non, mais attends. Parce que la justice bourgeoise qui prend un avocat qui paye 30 000 euros et par exemple... Et là, je ne parle pas de féministe, c'est encore autre chose. Mais qui va défendre... parce que ça se passe comme ça. Qui va défendre un pédophile en disant c'est parce qu'il a pas eu... Parce qu'il a eu une enfance... Parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait dans l'enfance. Nous, les vrais voyous et voyelles, faut pas nous la faire, ça. On n'a pas besoin, c'est pas le tribunal, si on va te casser la figure, si on va faire que tu vas plus vivre. Attends, bon, donc ça, on n'aime pas quand je dis ça en général. Mais c'est pas grave, j'assume. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une justice de classe, c'est ça, cette justice de merde. Et moi, en tant que féministe, parce que je trouve que je suis très féministe, moi, je trouve, par exemple, en général, les féministes, qui est horrible, dans les procès, parce que je suis, en plus j'ai des avocates qui ont... l'histoire, par exemple, du mec, comment elle s'appelle, la guerre, ou je sais pas quoi. Mais là, on va dans le politiquement incorrect, hein, donc on va... Bon, voilà. la femme qui s'appelle Marie Laguerre, là, on voulait lui faire Marianne, là, la nouvelle Marianne, là. Parce qu'un mec va jeter un cendrier très très léger sur la gueule. Oui. Bon. Ce qui est dégueulasse, et c'est inadmissible ça, c'est que les féministes bourgeoises prennent un mec qui sort de la vie psychiatrique, qui n'a pas fait quelque chose de très violent, qui a juste fait des trucs avec la bouche, c'est-à-dire qu'il a été grossier le mec. Ils l'ont envoyé, pas sur la gueule, elle n'a pas été blessée. Ils l'ont envoyé un petit... Parce qu'à Paris, il y a les petits cendriers en plastique de feu. Non, voilà. Et là, vraiment, le mec qui sort de l'asile, qui est le mec... En fait, c'est pas impuissant. Mais on va tous tomber dessus. On va tous citer du Simone de Beauvoir. On va... Non, mais c'est dégueulasse. C'est pas moral. C'est dégueulé que les féministes, elles emmerdent les puissants. Je n'ai pas généralisé les féministes. Non, mais en tout cas, ces féministes-là, elles me font gerber. Voilà, c'est tout. Qu'elles emmerdent les vrais salauds. Il y en a marre. C'est tout. Pas les mecs qui sont. Voilà, et on leur taille un peu ça. Mais il y a quand même des alternatives à la contre-tuerie, vous savez. Le mouvement anarchiste a souvent pratiqué ce qui s'appelle, je ne sais pas exactement si c'était appelé comme ça, l'exclusion sociale. Et moi aussi, j'étais dans les années 90, j'étais dans un groupe qui s'appelait Hommes contre les violences des hommes. Et on a pratiqué ça, on pratique contre des hommes qui ont dit qui ont persécuté des femmes, des anciens amis, des choses comme ça. Et dans quelques cas, on a vu où habite le mec, quel bar il fréquente, prend son habitude, où il achète ses affaires et des choses comme ça. Et on y est allé, on a parlé avec les patrons de bar que qu'il exclut cette personne. On est allé dans les marchés où il a acheté et on était avec un photo. On a affiché ces photos partout où ce mec est allé. Pour, et on a revendiqué ses actions pour avoir une alternative aux prisons, oui. Mais en même temps pour agir selon la gravité de celui qui a commis des choses là. Alors effectivement, moi je trouve ça très intéressant, ça me fait penser à deux choses différentes. D'abord, en fait c'est... Je sais pas si vous connaissez la réalisatrice, je sais que toi tu connais Claudine, Yannick Bellon, vous connaissez ou quoi? Je ne connaissais pas, moi j'ai vu ses films rétrospectifs à Paris, j'ai adoré. Elle a dit cette phrase magnifique, et qui me, elle a dit « Comme tous les animaux, je suis dangereux pour les uns et précieux pour les autres ». Je trouve ça très très beau. Et en fait, effectivement, c'est-à-dire que les animaux font ça. C'est-à-dire que les animaux, à un moment donné, quand il y a quelqu'un qui est vraiment... dangereux pour le reste des animaux, il lui demande, enfin il lui demande pas parce qu'il verbalise pas, ouais. Mais il exclut effectivement. Et puis ça me fait penser, et donc l'animal doit errer et tout, et puis il doit se démerder, et ouais. Voilà. Donc effectivement c'est un truc entre guillemets, j'aime pas ce terme naturel, mais c'est naturel quoi, c'est en nous quoi. Et puis l'autre chose, et effectivement pour dire que je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives, c'est-à-dire que la femme, il y avait des violences, au moins verbales, etc., et limites physiques, dans un foyer, dans un couple. Et les voisins ont décidé carrément d'investir l'appartement. Non, mais c'est vrai, ça a été tenté et ça a réussi. Donc, il y a une demi-douzaine de personnes qui ont dit soit effectivement c'est police, menottes, prison, etc. Soit monsieur, on va essayer ça et vous n'aurez pas, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc une demi-douzaine de personnes sont allées dormir dans des matelas de. Voilà, sur le canapé et ça. Et ils ont investi, et ça a marché. Ils ont investi, ils se sont introduits carrément, et ça a marché. Oui, mais c'est les alternatives. Après, dans les milieux libertaires, effectivement, on pense toujours comment on est contre la prison, mais quand, face aux violences aux femmes, aux enfants, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a un cas de bannissement. Oui, alors effectivement, il y a eu un sur un groupe de Marseille, je ne vais pas citer son nom, mais qui connaissent l'histoire, et le gars tapait sur sa compagne, et ses compagnons du groupe lui ont dit maintenant, bah, c'est fini, tu dégages. Après, c'est l'interdiction de séjour. Mais après, ça revient un peu à ce que faisaient les Islandais, les Vikings. Il n'y avait pas de peine de mort. Le mec, il faisait le con. Après, il allait peut-être faire des conneries ailleurs, mais il était viré d'Islande et il partait sur un bateau. Et, ouais. Il ne le condamnait pas à mort, ni à mort, ni à la prison. Moi, j'ai cette image libertaire que j'aime beaucoup, parce que c'est une image qui est très très forte et que j'aime beaucoup. Le fait que quand quelqu'un est en danger, par exemple dans la rue, comment les libertaires ont donné une solution, qui n'est pas la solution parce qu'on n'en a pas encore trouvé, de majusculer, mais c'est que, et ça je trouve ça très très beau, c'est que en fait on prévienne tout le monde, donc on n'appelle pas la police, parce qu'il y en a marre d'appeler la police, j'en ai ras le bol, moi, c'est pas possible ça, quoi. Mais qu'on prévient tout le monde et qu'il y a plein de gens comme ça qui viennent et que c'est une beauté, c'est magnifique. Tu connais des cas où ça s'est passé? On m'a raconté ça. Mais il faut être très alerte quand même. Il faut vraiment que. L'année dernière, le consulat, je l'ai vu de mes propres yeux. Voilà. Il y avait une femme qui a été battue et il y a eu d'autres femmes qui passaient par là, dont moi. Hein. On a fait cercle, justement, autour de la femme, le mec qui était battu. En même temps, je veux dire... C'était spontané, je veux dire, on l'a vu dans la rue, c'était intolérable, on a été plusieurs... Alors, bon, en même temps, je veux dire quelque chose, parce que moi, ma position, elle est... En fait, moi, ma position aussi, elle est aussi maladroite et elle est aussi... Je veux dire, je suis dans un système, d'ailleurs, dont j'ai fait les frais, et je ne suis pas d'une clarté exceptionnelle non plus. C'est-à-dire que, d'abord, j'ai le droit moi aussi d'être conne. vous allez m'en laisser le... le droit, s'il vous plaît, voilà. Donc de me tromper et voilà, et d'être dans, et d'être troublée moi-même, d'être voilà. Alors moi, ce qui me gêne énormément, et en fait, moi je dis qu'on est dans une société de répression, ça ne marche pas. De toute façon, on voit bien que ça ne régule pas les agressions, ni les... En fait, voilà, ça ne fonctionne pas. On est d'accord ou pas? Moi, je pense que c'est parce qu'on est dans une justice de classe, une justice bourgeoise, c'est évident aussi. Mais il y a aussi le fait que, par exemple, on est beaucoup plus sévère avec les... Avec, quand quelqu'un commet un délit matériel, ouais. On est beaucoup plus sévère. Si quelqu'un a volé une mobilette, il va en prendre plein la tête, il va en prendre une peine très très sévère. Et on sait très bien que les femmes qui sont battues, les femmes violées, tout ça, etc., quand par exemple elles appellent la police, on sait très très bien que la police est avec le mari, on le sait ça. On le sait ou pas? C'est-à-dire on traite la femme d'hystérique et le mari a, voilà, qui en, quand c'est des pervers, ils savent très bien s'y prendre. Et voilà comment ça se passe. Donc on est dans ça et maintenant qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que la prison ne règle rien. Toi tu es un non-violent. Voilà, et c'est tout à ton honneur. Moi, je trouve que la justice est très violente envers des personnes qui finalement n'ont pas fait grand-chose et qui sont parfois très morales et que notre société... Alors, c'est vrai que moi, je n'ai... C'est mon côté libertaire et je suis très mal par rapport à ça parce que je suis très féministe, moi, très sincèrement. Mais je suis contre ce truc un peu réformiste, un peu ce truc, parce que je vois que ça tombe toujours sur les mêmes. Je remarque que ça tombe toujours sur les mêmes. Et, bon voilà, donc je vous dis, moi, où je me trouve actuellement. Moi, je trouve dans une situation où déjà, je trouve que la justice ne traite pas vraiment du délit, du crime, etc. Je trouve... Qu'elle agit en fonction du profil social, culturel, quelle est la part la plus misérable dans les prisons. Voilà, moi j'en suis là. Moi je dis que, vous savez, il y a beaucoup de personnes à juste raison qui disent que la justice, le problème, c'est qu'elle elle est très violente envers les coupables, entre guillemets, comme tu l'as dit tout à l'heure, Joseph, moi j'aime bien être du côté des coupables. Mais en même temps, dans ma définition de la culpabilité, c'est aussi très compliqué. Voilà, parce qu'il y a plusieurs niveaux et dimensions. Mais ce que je veux dire, c'est que la justice qu'on a, en fait, elle est violente parce que c'est une justice de classe par rapport à une certaine catégorie de personnes en les mettant en prison. Mais en même temps, elle n'aide pas non plus les victimes. Donc elle ne fait rien finalement, elle ne fait rien de sympathique, ni dans un sens ni dans l'autre. Il y a une porte entrouverte, mais on n'a pas continué d'ouvrir avec le droit des victimes. Mais ça n'a pas été vraiment. Comment tu voulais dire quelque chose, Irène? En fait, c'était comme tu disais, il y a la justice de classe, c'est une chose. Oui. Puis après, il y a la justice en général. Ah oui, au sens noble du terme. Mais dans le sens où à partir du moment où un groupe fait pression sur une personne, quelle que soit la forme de pression qu'il fasse, institutionnalisée telle qu'on la connaît aujourd'hui, ou simplement parce qu'on ne voit pas au bannissement, bannissement qui veut dire que non-retour. Ça veut dire que la personne n'a pas. Enfin, rien de pire que le bannissement. C'est vrai, il est. C'est vrai. Donc, moi, j'entends ça. Et ça veut dire que la justice, de toute façon, a priori, ne répare pas. Ah oui, et la raison. La justice ne répare pas. Elle a la justice condamne. La justice, d'une certaine façon, ne se préoccupe pas de la victime. C'est ce que je viens de dire. Mais elle ne se préoccupe que d'une seule chose, c'est du coupable, voilà. qui prend quand même beaucoup de place, on vient de dire. Et parce qu'il prend beaucoup de place, parce que la réparation est extrêmement difficile, selon ce qui a été commis, eh bien, on ne peut que condamner, donc que punir. Voilà, tu es tout à fait d'accord. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, si moi je te disais, et si il y avait toutes les classes sociales étaient représentées dans la prison, que penserais-tu de la prison ? Pas parce que c'est impossible, il n'y aurait plus de prison. Mais disons que si toutes les classes sociales étaient représentées. Je pense que vraiment ça ne serait pas possible. Et je pense que ça pourrait imploser le principe de la prison. Parce que je pense que les bourgeois ne se laisseraient pas faire. Très franchement. Je pense que les fils de... on voit, j'emploie le mot racaille parce qu'il n'y a pas que Sarkozy qui en a parlé le premier. Il y a Jean Genet. Sarkozy est justement à l'étape, parce qu'il y a une étape à tout reformuler s'il y avait toutes les classes. Moi, je ne dis pas qu'il faille toutes les places. Je dis que c'est un symptôme, si tu veux, Hélène. Mais je dis que... Ça questionne la société. Oui. D'accord. Mais ça ne questionne pas le rapport à la justice, à la culpabilité, à la punition et à la réparation. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réparation. Moi, je ne vois pas de réparation. Non, mais la réparation, de toute façon, elle est hors de ça. Oui, voilà. Voilà. Ça. Donc, mais si on met la réparation de côté, ben, ça, c'est encore autre chose, carrément. Si tu veux, le rapport social, c'est une chose, mais si on questionne juste le rapport au fait de punir... Mmh. Je vais te répondre. Et se dire ce que toi, tu veux faire, à savoir... Non, je veux pas faire ça. Non, mais de mettre en place un groupe qui est carrément... Non, mais c'est lui, hein, c'est Rémi. Non, mais qu'importe. Non, mais je suis désolée, je suis responsable de ce que je dis, hein. Je ne suis pas responsable de la parole des autres. De mettre en place... De mettre en place ou de faire partie à un moment donné. Ah, parce que j'ai fait quand j'étais là. Oui, ce que tu as pu faire, ou même d'aller accrocher en disant cet homme-là. Non, non, moi je ne veux pas parce que c'est ça. Non, ça, non. C'est ça qui est. Ça, non. Je dis à tout le monde. Va casser la figure, oui, mais si. Je vais mettre le bouton. Je désigne de manière à tous que cet homme est coupable de. D'accord ? Donc c'est clairement une réponse sociale extrêmement forte, qui est aussi, c'est dangereux, ça peut être dangereux. Eh bien oui, c'est un risque, c'est sûr, c'est un risque. Oui, oui, d'accord. Donc la seule chose, c'est que l'on fasse ça, qu'après on ait une institution qui met en place carrément la loi du talion, qui, si elle n'est pas mise en place, de toute façon, sera mise en place pour les piqueurs, pour tout ce qui est personnes qui ont violé, etc. Parce qu'ils ont peu de peine. De toute façon, ils se font taper par les flics, quoi qu'il en soit. Non, mais il ne veut pas de prison, il dit c'est à la place. Qu'importe. Ce que moi je dis, toi tu leur coupes les couilles. Donc je vais dire après, chacun a deux façons différentes. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, quand la notion de la sanction, si elle est soit c'est carrément le bannissement, donc impossibilité de retour, c'est vraiment carrément largué au 9e siècle, au milieu d'un fjord. Je ne sais pas ce qui peut devenir le mec, a priori, il aura du mal. Oui, j'en sais rien. C'est quand même discuter. On peut se poser des questions, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de retour, donc il n'y a pas de possibilité de réparation, que la personne puisse réparer ou quoi que ce soit, machin. Donc ça, c'est très violent, c'est d'une violence extrême. Après, on a le fait de désigner, donc le fait de mettre à la vindicte publique, littéralement, et là aussi, où est-ce qu'il peut se défendre, où est-ce qu'il peut apporter, pareil, de dire... On a pratiqué ça à plusieurs reprises, ça a marché, et la personne, par exemple, se déplaçait dans un autre pays. On repart sur le déplacement, d'accord. La question est de savoir, est-ce que le bannissement est suffisant? Oui, c'est sûr. On recommence ailleurs. Le bannissement n'est jamais. Comme il y a des personnes qui passent en prison, qui disent, mais en prison, sur ce qu'ils ont vécu, parce que tout le monde n'a pas le même... pour avoir entendu une fois quelqu'un je ne sais plus sur quelle émission, je ne pourrais pas le citer, je n'ai pas assez de mémoire pour ça, j'ai une mémoire de passant des fois, et conclusion qui disait, mais moi en prison j'ai eu le temps de réfléchir sur ce que j'avais fait. Et qu'en fin de compte, le temps de la prison a été même un temps hyper bénéfique. Moi, je ne crois pas tellement. C'est-à-dire que hors de la prison, des trucs à réfléchir, j'y crois pas tellement. Moi, j'ai vu plutôt le contraire. Oui, non, mais franchement, j'y crois pas. La généralisation est hyper complexe. Et que par contre, à partir du moment où. Je voulais le côté croyant, à partir du moment où on se retrouve face à un crime. On se retrouve face à la punition et au fait qu'à un moment donné, c'est toujours un groupe qui met en place la punition. Oui, qui va être porteur de ce qu'il fait, au point de se mettre à un autre niveau qui s'est le seul. La cour, oui, ça, la réforme. Pour être, pour se mettre même en dehors de ça, pour pouvoir arriver à dire, toi, tu seras banni, toi, tu seras tué, ou toi, tu est-ce qu'on pourrait aussi en préparer de Sana et Thérèse, ce que vous en pensez? Attendez, il y a une chose qui s'est passée. J'ai demandé la parole il y a un petit moment. On va laisser. Oui, moi je voulais juste dire sur ce que vous avez juste dit, il y a une grosse différence. Enfin, ça me fait juste penser à un truc que pour moi il y a une différence quand c'est une société qui pose des lois et qui et quand il y a une personne qui décide de riposter par rapport à un truc qu'elle a elle-même vécu. Et moi, par exemple, ça ne me dérange pas les trucs d'exclusion ou d'ostracisation, je ne sais pas comment on dit, d'une personne si c'est la personne qui a directement subi la. C'est pas forcément dans une manière. Enfin, moi, je m'en fous de la punition ou de la sanction ou de est-ce que la personne elle va bouger. Des fois, c'est juste, ok, là, moi, pour mon bien-être, je vais avoir besoin de ça demain. Et pareil, dans une logique de riposte, d'aller, je sais pas, défoncer la personne qui nous a fait du mal ou je sais pas quoi, pour moi, c'est, ça rentre dans une autre logique qu'un truc de justice sociétale, là. Et juste, ça me faisait penser à un petit truc sur les manières de non-violence, violence et tout ça. Moi, j'ai l'impression que c'est pas la même chose aussi, mais dans une logique féministe de par exemple, que des hommes qui sont nés hommes et qui se reconnaissent comme hommes essayent de trouver des manières non-violentes de réagir parce qu'ils ont été construits comme des hommes et dans des manières violentes, et du coup, d'essayer de trouver des solutions non-violentes pour résoudre des choses. Que moi, par exemple, je me reconnais comme meuf, et je suis née meuf, je me reconnais comme meuf, et ça me va carrément me réapproprier la violence et d'aller me dire que plutôt je vais choisir cette politique-là pour. Et c'est pas pour punir, c'est. Enfin, si, peut-être, je n'en sais rien aussi, mais en tout cas, c'est dans une logique première de stopper le truc, de reprendre de la force, de reprendre du pouvoir. Et de... Il y a ça s'appelle la loi du taille, mais il y a autre chose. C'est très important parce qu'on était, on est directement, je trouve, allé dans le truc punition. Et pour les personnes qui ne reconnaissent pas, donc, parce que là, on a fait l'impasse sur le procès qui est une chose insupportable, une violence inouïe. Mais effectivement, les méthodes de bannissement ou les méthodes, de, par exemple, de violence, toutes les méthodes de punition possible, c'est finalement, c'est la dernière étape. Mais il y a une étape quand même intermédiaire qui est très difficile aussi, c'est comment, à un moment donné, le procès, qui le fait, etc. C'est assez ignoble d'ailleurs, parce que moi je peux vous dire que les procès, il y a toutes sortes de procès, il y a des procès symboliques, sans peine, qui sont très violents à vivre. Hein. Il y a tout le temps des procès dans la vie sociale, hein, bon, et entre amis même, etc. Mais il y a des procès... des détenus qui sont très... je vous explique comment ça se passe en prison quand même, ce que j'ai vécu. J'ai trouvé ça génial. En tout cas, c'est une forme, c'est la forme la plus acceptable que j'ai connue. C'est qu'à un moment donné, il y a des conflits entre les détenus très très graves. Ça peut être très violent. Il peut y avoir des personnes qui sortent une lame de rasoir. Moi, j'ai été violentée, j'étais... Enfin, il y a de tout, hein, c'est une micro-société. Alors, la forme de procès que j'ai vue, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que il y a à peu près, genre, 70 personnes dans la cour de promenade qui sont assises, qui sont... Bon, alors, il y en a qui dorment, il y en a qui font autre chose, il y en a qui bouffent, il y en a qui boivent de l'eau, il y en a qui parlent avec... Et alors, c'est un côté comme ça. Et les deux personnes, sans avocat, sans juge, etc., sont au milieu et s'engueulent, s'insultent, disent c'est toi qui... Et alors qu'il y a 70 personnes qui sont autour, il y en a des fois qui disent « Oh ben, je vais aller pisser, etc. Vous m'emmerdez, qui partent, qui reviennent. » Il y en a subi, il y en a comme ça, de façon impromptue, qui se lèvent, qui disent « C'est faux, tu as tort, etc. » Et ça dure toute la... Ça dure genre 3 heures, etc. Et c'est un truc assez sympa, quoi. C'est-à-dire que c'est informel, il n'y a pas de cours, Il n'y a pas madame le course et les trucs. L'autre qui dit, mais tu mens, etc. Et qui, mais vas-y, parle, mais non, je ne veux pas dire, etc. Et ça dure des heures. Et c'est très drôle parce que c'est vivant et c'est pas formel, c'est marrant, quoi. C'est un truc qui est... Moi, je trouve qu'il est assez juste, quoi. C'est, moi, j'ai adoré. Bon, j'ai été 3 ans intervenante au Grenette, côté femme et côté homme, dans l'Expression, puisque c'était le journal qu'on faisait ensemble. J'ai beaucoup entendu d'histoires, j'ai beaucoup entendu de réactions, de témoignages des hommes et des femmes. Et on s'est beaucoup posé la question, y compris entre intervenants et avec les matons, parce que les matons, il y a une minorité de matons qui sont effectivement très chouettes, qui veulent changer les choses, ils en prennent plein la gueule en général, parce qu'ils sont minoritaires, mais enfin, ils essayent, ceux-là, et cette minorité-là est intéressante, comme pour les juges d'ailleurs, il y a des juges qui sont ignobles, et il y a une minorité de juges, enfin, un bon tiers, on va dire, qui sont très corrects, qui vraiment essayent, ils se battent, et d'ailleurs, ils font des associations, ils font ce qu'ils peuvent. Syndicat de magistrature. Donc, on s'est beaucoup posé la question de l'alternative à la prison, parce que c'est la seule chose qui nous intéressait, effectivement. Mais les exclure, alors là, non, parce que c'est ce que fait l'Église et l'Éducation nationale, ils les mettent dans un autre lycée où ils recommencent, et voilà. Donc, c'est peut-être pas la peine. Rénarque, on regarde. Moi, je l'ai pratiqué, ça a marché. Et ça a marché. Moi, je me dis que ça a marché. Non, non, l'exclusion. C'était aussi une possibilité pour lui de réfléchir. Il a réfléchi. Mais à l'extérieur, non, voilà. C'est possible. Oui, c'est une enquête de qui. C'est aussi du magasin. C'est très fini. J'ai du mal aussi avec la stigmatisation parce que ça peut conduire à des pogroms. Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir au soigner les violents, soigner les violents, soigner les violents à mon éditeur. Mais rien n'est fait pour ça. Rien n'est fait pour ça en prison parce qu'ils ont accès à un système. S'ils le veulent, ils peuvent, ce qui est rarement le cas parce qu'il faudrait déjà qu'ils prennent conscience qu'ils ont fait des droits. Ils peuvent être rencontrer des psychiatres, mais il n'y aura pas de soins, il n'y aura pas de, je veux dire, ils seront soignés, on leur donnera des médicaments, mais le soin psychiatrique, il faut qu'il soit demandeur et aucun ne le demande, ou alors vraiment c'est un alcoolique qui va s'en sortir. Cela dit, il y a effectivement en prison, c'est surtout des jeunes qui ils ont pris une bonne claque, ils sont là et ils réfléchissent. Et ils passent des examens, et c'est dur de passer des examens en prison parce que tout le monde aurait vraiment l'institution ne fait rien pour que ça se passe bien. Ils passent des examens et ils arrivent à s'en sortir, mais c'est vrai que rien n'est fait pour la réinsertion. C'est d'une violence. Ils sortent avec un billet d'un ticket de métro à 10h du soir quand il n'y a plus de bus au Gomètre. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Il n'y a pas de réinsertion possible quand on sort des bombes. Comme tu disais d'ailleurs, tu l'as dit justement, ils se retrouvent en situation de recommencer, ils ne peuvent pas faire autre chose. Surtout des femmes qui n'ont pas de... Alors, l'histoire des... Je l'ai vu 100 fois, hein, pas 100 fois, mais une bonne cinquantaine de fois pendant les 3 années où je suis passée, c'est des femmes. Les flics veulent... Elles sont femmes de quelqu'un qui est incarcéré. Ils veulent avoir des infos. Donc, pour faire pression sur la femme, ils la font incarcérer aussi préventive pour faire pression pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois pour qu'elle elle dénonce leur mec. C'est ça qu'ils veulent. Sauf que, effectivement, elle perd non seulement le boulot et l'appartement, mais elle perd les enfants. Ils partent à la DAS. Et pour les récupérer, eh bien, au bout d'un mois, 2 mois, on les remet en circulation. Et qu'est-ce qu'elles font, ces femmes? Elles ne peuvent plus, bien sûr, plus banque, plus rien. Elles ne peuvent plus rien faire. Moi, je suis. Et là, c'est là le flic ou le juge qui fait ça, je l'ai en face de moi, je te jure, je me lâche à la gueule. Moi, je suis d'accord plutôt avec la jeune femme que, je ne sais pas, vous n'avez pas dit votre prénom, je suis plutôt d'accord. C'est vous, hein, parce que je vois très bien. Moi, je suis plutôt d'accord avec vous parce que je trouve qu'il y a beaucoup, finalement, de toute façon, il y aura toujours de la violence quand on exclut de façon, après un procès, ou quand on exclut avec des... En fait, voilà, de toute façon, c'est évident que, voilà, c'est... il va y avoir quelque chose de violent. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, dans la mesure où c'est quand même très différent. Quand c'est un appareil comme ça, judiciaire, de personnes qui, finalement, n'ont rien à voir avec l'histoire. Je dis souvent, par exemple, imaginez, on vous tue votre enfant ou on vous tue quelqu'un qui vous est cher, mais vous allez compter sur l'État pour qu'il... C'est quoi cette histoire? Non, faut pas, faut régler la chose soi-même. C'est de la folie, c'est de la bêtise. Et très honnêtement, si je vais aller au bout de mon truc pulsionnel, je trouve ça minable. Si quelqu'un vous tue, un proche, etc., je trouve ça minable de s'en remettre à une institution judiciaire pour... voilà. Je trouve ça vraiment minable. Et je pense que, foncièrement, je trouve que... qu'il n'y ait pas comme ça ces intermédiaires institutionnels, étatiques, moi ça me correspond mieux à ce que je suis, hein, de régler le problème autrement. Mais de toute façon, ça ne peut jamais être de la douceur. Ça peut jamais... Après, comment c'est compris? Est-ce que c'est assez pédagogue? Comment c'est compris? Comment ça peut être perçu pour la personne qui est effectivement bannie? Bon, ça c'est autre chose. Mais je pense avec Reinhardt, je pense vraiment... que la prison, je te dis la vérité très sincèrement, Hélène, je suis absolument certaine que la prison, parce qu'il y a un sens théologien à croire ça, ou alors, effectivement, la prison, ça a été créé aussi, le truc panoptique, etc., il va être seul, tranquillement, entre ses murs, et il va s'amender moralement. Ça, j'y crois absolument pas. J'y crois absolument pas. Et je dirais même que ça fait l'effet inverse, parce que ce que j'ai vu... Je ne pose pas cette question, ah, je bon. Dis juste que ce que tu fais est aussi violent, quoi qu'il en soit. Ah oui, ça c'est sûr. C'est tout. Ah, c'est-à-dire que vous allez dénoncer la violence de l'État en disant, c'est vrai qu'il y a Blaise Sandra et Benoît Vangine, et fait bien la différence entre la folie meurtrière d'un homme et la folie meurtrière des hommes. Mais par contre, à partir du moment où se met en place des milices, des personnes qui veulent, qui à un moment donné, quoi qu'il en soit, n'importe quel groupe. Mais pas des milices, moi c'est plutôt pour la personne qui a été. N'importe quel groupe qui se met en place, pour juger un autre groupe, de toute façon, met en place une structure violente, quoi qu'il en soit. Et empêche, je suis d'accord, je pense que c'est dans la réparation que ça se trouve. Je pense que c'est du côté de la victime. De ce qui a construit la violence de la personne. On va reprendre les noms. Dans l'ordre, c'est Jean, je crois. Il y a Jean après soi et après Marie. Jean. Moi, je crois que la question qu'il faudrait que se pose quand même, c'est sur le rôle social de ce qu'on appelle la justice et le rôle social de la prison. Parce que la partie des détenus qui représentent les violeurs ou les gens qui assassinent comme ça pour le plaisir, ça représente 2% de la population carcérale. 98%, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est des gens qui ont quand même profil... social, ethnique, et qu'on retrouve dans la prison. C'est-à-dire que la prison, et ce qu'ils appellent la justice, c'est le moyen pour cette société de se préserver des révoltes populaires. D'un côté, on nous la montre comme la prison magnifique, l'hôtel presque 3 étoiles, pour se donner bonne conscience, mais de l'autre côté, c'est la menace pour pas que les gens bougent. Et pour pas qu'ils sortent du rôle dans lequel on les habite dans la société, c'est-à-dire des êtres soumis qui sont prêts à accepter le travail à n'importe quelle condition et à se plier aux lois de cette société. Enfin, voilà. Après, je pense sur cette question, aujourd'hui, quand on a affaire quand même à des individus qui menacent la vie, l'existence ou l'intégrité d'une personne, Si c'est pour se défendre, moi la réaction violente, une réaction violente, je ne la trouve pas démesurée, quoi. Il faut se préserver, c'est mieux que d'appeler la police. Oui, voilà, merci. Oui, tu es d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et après, mais si c'est pour se défendre, il ne faut pas que ces riches comme des justiciers à la place d'une justice qui n'en est pas une. Voilà. Et je pense que la manière libertaire de répondre à ça, ben, c'est de s'en prendre aux causes. Pas de s'en prendre à, oui, voilà, aux conséquences, aux effets. Attends, parce qu'il y a plusieurs points. Il y a plusieurs points. Rénard, depuis tout à l'heure, il voulait parler. Peut-être on va prendre tous les gens qui veulent parler, puis après tu répondras. Soyez court, chaleur. La raison d'être de la prison. Par exemple, il n'y a pas de raison d'être, en fait, quelqu'un qui commet un acte, un délit, il faut qu'il répare. Et la prison, elle est toujours là pour punir. Il faut arrêter avec la punition. Parce que n'importe qui peut commettre un acte, je ne garantis pas que je ne commettrai pas un acte répréhensible. Bon, il s'agit de réparer. C'est d'abord, déjà, on élimine une grosse partie de gens qui sont, on libère déjà pas mal de cellules. On libère pas mal de prisonniers. Et aussi, le problème qui se pose, c'est le problème de maladie mentale et psychiatrique. Ah oui, elle a raison. Parce que des personnes qui sont là en enquêtant auprès de personnes de familles au Beaumet, on s'est aperçu, et après ça a été confirmé par des statistiques, l'Union européenne l'a montré du doigt, il y a beaucoup trop de personnes qui sont en prison, qui ont besoin d'être dans un hôpital psychiatrique. Et on a vu des exemples de personnes, un garçon par exemple qui avait envie de voir la mer, il descend de Grenoble, il vient de Marseille, et tout d'un coup il a été pris d'une crise, il était maniaco-dépressif. Il a été pris d'une crise, il a écrit dans sa chambre d'hôtel des slogans en arabe, une prière, c'était même pas un slogan, c'était une prière en arabe. Donc dans le climat actuel, aussitôt, terroriste. Mm-hmm. Et en fait, c'est un appel au secours qu'il a écrit en arabe. On l'a envoyé en prison, les parents ont tout de suite réagi, ont envoyé les certificats médicaux. Aucune précaution n'a été prise. On a jugé qu'il n'était pas, qu'il ne méritait pas un psychiatre, qu'il n'était pas pressé pour l'envoyer un psychiatre. Oui, mais pourquoi il s'est suicidé. Mm-hmm. On n'a même pas pris le matériel de sécurité. Oui, oui, oui. Hein? Et on sait qu'il y a, alors je ne sais plus si c'est le cas, de personnes pour compte en France qui ne devraient pas être dans une prison, qui devraient être soignées. Alors pourquoi? Alors après, il y a aussi les personnes qui sont effectivement en prison, qui deviennent aussi fous par les conditions de détention. Oui, voilà. De alors, détention. Pour vous répondre, il y a, parce que moi j'ai vécu ces choses, donc je peux vous répondre. Alors, ce que vous dites par rapport à le problème, si vous voulez, ça dépend de la définition qu'on met dans le terme réparation. Le problème, c'est que cette histoire de réparation à la place de peine de prison, le problème, c'est que la justice bourgeoise, dans laquelle on vit, a déjà réfléchi à ça. Et voilà comment ça s'est traduit. Dans ce que vous appelez réparation, j'imagine que ce n'est pas du tout la définition qu'en a la justice bourgeoise. Dans la réparation, c'est dommage et intérêt. Je suis désolée, hein, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Mais dans la réparation, c'est en gros, vous allez demander au magistrat, je vous assure qu'ils le disent carrément sans complexe. Quand on a une personne qui a du fric, qui a commis un délit, on ne le met pas en prison où on lui donne une faible pleine de prison et on lui demande de réparer avec du fric. Ou alors une caution, ça vient de plus en plus. En France, c'est pas social. Voilà. Effectivement, c'est le danger. Quand vous parlez de réparation, on lui donne un droit à la délinquance. Elle ne voit pas du tout la même chose qu'il y a à l'intérieur que de votre définition. Et en revanche, les personnes qui n'ont pas d'argent, donc qui ne peuvent pas réparer, et pour la justice actuellement, en 2019, sur le territoire français, la réparation est liée directement aux dommages et intérêts qui nous sont offerts. C'est comme ça, j'y peux rien. Et donc, quand la personne n'a pas d'argent ni à de caution, les juges vont donner une peine de prison plus importante. Mais je sais très bien que vous, en termes de réparation, c'est pas du tout ça, mais actuellement, ça n'existe pas dans la justice. Marie-Bonne, d'abord. Oui, il y a une autre point que je voulais dire. Voici les sur la table. Oui, Renard, tout à l'heure, il y a une anecdote. Tu peux. Vas-y, vas-y. Alors, je parle de ces quelques pourcents qui ont commis une vraie, des violences vraies, hein, et fortes. Donc, pas de la majorité des détenus dont tu as parlé. Et là, je pense qu'une alternative doit exister, et on pense dans notre débat jusqu'ici, on a trop peu pensé aux victimes. Oui, parce que une condition primordiale de tout ça, c'est qu'il faut sécuriser les victimes. Oui, oui, oui. Quand il y avait une vraie violence d'homme femme, la femme doit être sûre que ça se ne répète pas. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en États-Unis, ils sont des victimes qui revendiquent la peine du mort, la peine capitale, souvent, parce qu'ils ne sont pas sûrs. Quand quelqu'un a violé, il marche en prison pour quelques années, toi, donc il revendique, il doit rester en prison ou en hôpital psychiatrique plus longtemps. Donc c'est logique, dans leur logique, ils revendiquent la peine capitale. Et bon, nous, on est, j'espère, d'accord que c'est bien et c'est un progrès que la peine capitale était surmontée. Donc c'est pas la solution. Mais le fait que la victime a un droit d'être en sécurité, ça c'est aussi une violence. Et ça, c'est, il faut faire un équilibre, il faut le mettre sur la balance. Quand on, par exemple, c'est pas à comparer avec l'Église, quand on exclut quelqu'un de son amitié, de son propre milieu, c'est autre chose. Il faut le mettre en équilibre d'avoir une vraie sécurisation sociale du victime. Ça, je voulais dire. Oui, mais quand j'ai dit l'Église, c'est pas ça. Je parlais en fait par rapport aux prisons. Et je pense très sincèrement ce que j'ai vécu. Vraiment, je ne crois pas que je l'aurais compris avant d'être incarcéré. Hein. Il y a des choses. Même si on est des très grands intellectuels et très intelligents, qu'on ne comprend pas quand on a... Je suis désolée, hein, je ne veux pas faire montre comme ça, de dire moi je le fais parce que je vais aller en prison. Mais des choses très très étonnantes, très paradoxales, qu'on n'imagine pas. Hein, bon, parce qu'on n'est pas dans la rationalité, etc. Mais énormément de personnes qui sont incarcérées se mettent dans ce victimisme tout de suite. C'est-à-dire que pour elles... Tout de suite, quand elles sont en prison, elles oublient complètement le délit. Mais vraiment, c'est un phénomène incroyable. Et tout de suite, c'est un juge. On n'entend que ça dans les cours de prison. Donc, il n'y a pas le mythe de « Ah oui, je vais être tranquille et je vais réfléchir dans ma peine », ça n'existe pas. Moi, j'ai entendu une personne. Qui a été en prison, c'est ça? Une seule. Et bah, bravo, et qui a vécu ça? Bien sûr. Ah bah c'est exceptionnel, moi j'ai jamais vu. C'est juste pour dire qu'après t'as des chemins, t'as des chemins de personnes. Mais heureusement, j'espère, tant mieux. Mais pour les petits délits comme ça, il y a des gestes. On peut finir. Non, moi c'était sur, ça rejoint plutôt un peu les gens, c'est-à-dire déjà le nombre de gens qui sont en prison ou qui ne peuvent pas y être. Mais donc une petite anecdote qui rejoint en même temps cette histoire de est-ce qu'on réfléchit sur ce qu'on a fait, etc. J'ai fait une fois une pièce de théâtre en prison, c'est la prison Salon, alors, qui est réputée par les prisonniers eux-mêmes comme étant un club med. Eh bien, c'est bon à savoir, ça me donne du sens. Non, ils finissent les deux dernières années à Salon. Peu importe, juste pour l'anecdote, c'est eux qui m'ont dit. Oui, mais si c'est le club med, après avoir fait des très longues peines. Oui, non, mais bon, vous êtes où? Donc, on va faire notre pièce, et puis. Alors, juste par rapport à la vie, etc., c'était assez marrant parce qu'on avait. C'est une anecdote dans l'anecdote. C'est assez marrant parce qu'en fait, dans notre pièce, on avait besoin d'un. Enfin, on donnait un grand coup de sifflet à un moment. Et donc, nous, on arrive avec nos costumes, notre bordel. Et puis voilà, ils fouillent tout. Puis tout d'un coup, ils font ah non, ça, c'est pas possible. Ah bon, pourquoi? On réfléchissait deux secondes. Ah, un sifflet. Bon, bref, ça, c'était la même. Donc, on fait notre pièce, etc. Et puis, en fait, à la fin, il y avait tout un temps de discussion de manière informelle, qui goûtait, et on pouvait discuter. Bon, on n'était pas censé savoir ce que les gens avaient fait, évidemment. Mais à un moment, moi, je discute un peu plus avec un gars. Et bon, je comprends que... Bon, c'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait dans le même débat, parce que c'était pas violence sur la personne, etc. Enfin, je comprends que c'était un cambrioleur, un mec qui fait hold-up, enfin, je sais rien, moi. Oui, c'est rien, pour moi, j'avais dit que c'était ma femme. Et en fait, alors, je vais simplifier, parce que je me rappelle plus, c'était il y a un moment, mais... En gros, ce que j'en ai tiré, ce qu'il m'a dit à un moment, c'est... Oui, il avait passé toute sa vie à faire ça. Mais voilà, un job comme un autre. Tout à fait. Oui, oui, non, mais tout à fait. Et puis c'est tout. Là, on mais je dis, ouais, mais quand même, la tôle au milieu, fait... Oh, non, mais ça, c'est rien. Quand je sors, je fais 2-3 briques, 2-3 trucs, et puis j'ai la belle vie, j'ai des belles bagnoles. Je vais dans des hôtels, j'ai plein de fric. Après, je sais que je vais tomber et je vais refaire quelques années de temps. Et le mec, il me dit, moi, j'ai vécu toute ma vie comme ça. Moi, je dis, si je m'arrêtais, bah, qu'est-ce que je ferais d'autre? Je vais en faire d'autres. Et puis, mais c'était aussi naturel que ce que je leur raconte, la vérité. Mais pour dire que la donne, elle s'entretient. Non, mais c'est très intéressant. Mais on est bien sûr. Je vais te répondre. C'est très intéressant. Je vais te répondre. Ça, c'est on en rit. Mais c'est beaucoup plus grave qu'on le croit, parce qu'il y a deux choses, en fait. D'abord, moi, je pense que tout ce qui est de l'ordre... C'est moi, hein, c'est de mon corps que je parle, depuis lequel je parle. Tout ce qui est de l'ordre matériel, effectivement, c'est pas si grave que ça, puisqu'on est dans une société, quand même, où le boulanger, c'est un voleur, puisqu'il nous vend du pain plus cher. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est complètement dans ça. On est complètement dans ça, dans toute la société... je veux dire, on est dans ça, on est dans voler un petit peu l'autre, voilà, de façon, dans la limite, toujours du légal, les commerciaux et les gens qui te vendent des autres. Donc on est dans ça, on est dans le cambriolage constant, on est dans le vol constant, on est dans le kidnapping, voilà, on est tout le temps dans ça. Bon, en revanche, moi, donc pour moi, ça ne me choque pas, pour moi, ce qui me choque, c'est... C'est les viols, c'est la fête, c'est la pédophilie, c'est ça moi qui me choque. Bon, le reste, je ne me pose même pas la question. J'espère qu'un jour, on pourra plus, les juges ne pourront plus enfermer des gens parce qu'ils ont volé. J'espère que ça sera même plus possible, que ça sera même plus dans les codes. Bon. Ça sera possible dans un monde sans argent. Voilà, moi j'espère. Parce que pour moi, je me dis, voilà. En revanche, ce qui m'attriste un peu dans ce que tu dis, parce que je sais que tu... En fait, moi, j'ai connu des personnes exactement ce que tu racontes. Ce qui m'attriste, c'est que quand même le système va dire à des personnes, à un moment donné, toi, pour vivre, pour manger, ça me donne la chair de plus, pour vivre, pour manger, pour être nourri, pour avoir un toit où dormir, eh ben, voilà, tu dois payer en allant en prison régulièrement. Et que ces personnes-là, dont tu parles et que j'ai connu aussi, se dit « Oh, c'est pas grave si je suis torturée très régulièrement, si je suis enfermée très régulièrement, si je suis privée de ça très régulièrement, ça s'appelle quoi ?» Ça s'appelle pour moi la victime sacrificielle. Le masochisme. Voilà, non, c'est pas du masochisme, c'est la société qui le sadique. Et qui le, c'est-à-dire que les personnes sont, en fait, à un moment donné, voilà, elles s'habituent à ça. Elle s'habitue à ça. Et moi-même, je me suis habituée à ça, mais pour des raisons différentes. C'est-à-dire que moi, j'ai su enfin pourquoi j'ai été en prison. Je vous le dis tous. Vous savez que moi, pourquoi je suis allée en prison, ça n'a strictement rien à voir avec les chefs d'accusation, parce qu'il y a un hiatus entre la vérité judiciaire et les trucs communs entre nous. Moi, je suis allée en prison. Pareil que ces personnes-là, qui se disent, voilà, ils payent par leur corps le fait de pouvoir vivre, de pouvoir manger, de pouvoir, voilà, etc. Moi, je suis allée en prison. Pourquoi ? Parce que c'était ma famille qui m'a, sans le dire de façon tacite, assignée à cette place de coupable. Et si pour moi, ça me semble être pas grand-chose d'aller en prison, et même peut-être d'y retourner, c'est parce que je me suis dit, ah ben finalement, oui, voilà, c'est ma place. Donc finalement, c'est pas les jeunes hommes dont tu parles, les jeunes femmes que j'ai connues, c'est pas que c'est rien du tout d'aller en prison. C'est qu'à un moment donné, c'est leur dette à payer, mais une dette qui est sacrificielle. Voilà. On est d'accord ou pas? Qu'est-ce que tu... Oui, mais on est d'accord. C'est comme ça. C'est, voilà. C'est une adaptation. C'est comme ça. La Sophie qui veut poser depuis un moment. Non, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que bon, j'ai travaillé avec des toxicomanes, donc en fait, des grands toxicomanes qui en fait passent leur vie à faire des allers-retours. Absolument. Donc il y a aussi un discours en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes aussi d'une condition sociale difficile, que vous avez en fait pris des chemins qui en fait sont pas des chemins de la méditation, qui sont en fait finalement l'histoire du corps, c'est-à-dire que finalement l'aliénation sociale devient une aliénation sur le corps. Hein, il y a un moment aussi où ils construisent des discours, hein, et c'est du discours, c'est-à-dire des discours en fait, ils sont obligés aussi de positiver un peu quelque part cette expérience et d'en faire un peu une espèce de discussion un peu héroïque pour quand même, comment dire, avoir déjà une image d'eux-mêmes un peu plus positive que celle qu'on leur envoie en permanence. Et j'ai connu, alors écoutez, j'en ai pas connu beaucoup, mais j'ai connu un ou deux cas que l'incarcération a en fait, pour eux, leur a permis en fait d'arrêter. C'est-à-dire, c'est l'incarcération, une incarcération qui était un peu longue d'ailleurs, enfin, comparée à ceux qui faisaient peut-être des petits trajets, et en fait, qui leur a permis, et moi j'avoue quand même si je ne suis pas pour la prison, mais quand j'apprends que par exemple Balkany est parti directement en prison et qu'il n'est pas là-bas pendant 4 ans, je suis contente. Oui, un petit peu, Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que, effectivement, à Fleury-Mérogis, qui est une maison d'arrêt, pas un centre de détention, il y a énormément de toxicomanes, effectivement. Alors, il y a deux choses avec lesquelles je suis d'accord avec vous, mais je vais contextualiser un petit peu. Alors, effectivement, ce qui est dommage, finalement, c'est que, normalement, pour moi, et je leur avais dit d'ailleurs en 2008, pour moi, aucune de ces toxicomanes ne devrait être en prison. Elle devrait être dans des maisons de sevrage, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces toxicomanes, même si elles ont commis, parce que je les ai très bien commis, parce que moi j'ai fait 4 mois et demi de cavale, ça sera le sujet de mon prochain livre qui sortira en janvier ou février, qui racontera mes 4 mois et demi de cavale en région parisienne. Et donc, c'est des personnes, effectivement, qui sont d'abord en souffrance, c'est des malades, c'est des malades d'abord. Donc, ça requiert du soin. Alors après, effectivement, quand elles n'ont pas leur drogue, puisqu'elles sont addictes, et moi j'ai surtout connu des personnes addictes au crack, parce que les autres, les elles ont des substituts tels que la... la méthadone, enfin voilà, etc. Subutex, voilà, les effondres, etc. Donc, si vous voulez, après, effectivement, elles commettent des délits, effectivement, pour acheter leur drogue. Ça peut être des délits très violents, elles peuvent tuer même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, c'est des malades. Donc, à mon avis, on doit les soigner en amont, etc. Donc, déjà, les toxicomanes, je ne comprends pas ce que ces personnes-là font en prison. D'accord ? Je ne comprends pas ce que les sans-papiers font en prison, et il y en a, etc. Il y a toute une plein de personnes qui ne devraient pas être en prison. Enfin, quand on a un peu du jet, déjà. Alors, effectivement, ce que j'ai vu, moi, c'est qu'en amont, comme la société, figurez-vous, elle ne s'occupe pas de ces personnes qui dorment souvent dans la rue, qui ont des conditions d'hygiène déplorables, qui ne se sont pas faites vaccinées, par exemple, pendant très longtemps. J'ai connu des femmes, effectivement, comme vous le témoignez, qui sont venues complètement dénutries, pas vaccinées, à moitié malades, toxico, etc. Et après, comme la société ne le fait pas en amont, c'est-à-dire qu'elle n'aide pas les gens quand les personnes... c'est très compliqué, c'est-à-dire qu'en prison, effectivement, elles se font soigner, elles se font vacciner, elles ne peuvent pas prendre de substance, donc quelque part, elles reprennent un peu du poids de la bête. Mais ça, c'est très vicieux, ça veut dire qu'à un moment donné, la société, elle n'a rien trouvé d'autre que la prison pour s'occuper de ces personnes-là. Donc c'est véritablement scandaleux. La deuxième chose avec laquelle je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, à un moment donné, comme à l'instar de Sana, je ne sais pas si vous étiez là quand vous avez parlé, et ben comme elles ont des capacités comme ça, des ressources et des capacités vitales, et ben effectivement, elles font en sorte de ne pas en mourir, et donc elles jouent avec ça, effectivement. Mais je pense que c'est très bien de dire ça, c'est-à-dire que les bourgeois ou les personnes qui n'ont jamais fait de prison ou les personnes qui sont bien installées dans la vie ne peuvent pas moralement se permettre de dire « Ah ben oui, mais finalement, elles sont pas si mal que ça. » Enfin, je veux dire que moralement, c'est pas possible de dire ça, quoi. On peut dire « Tiens, cette personne a l'air de bien s'en sortir. Cette personne, finalement, effectivement, voilà, elle le vit bien, quoi. » Mais il y a, moralement, ça peut pas ne pas nous épargner le fait de dire que la prison c'est insupportable, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je voulais revenir sur un truc là. Nous, dans nos milieux, on connaît beaucoup des gens qui sont devenus écrivains en prison, Jacques Lesage de la Haye, Serge Livrozet, Nobel Spice. Il y avait César et Battisti aussi. Averti, ça va. Voilà. Mais moi, j'ai discuté avec. En réalité, dans les prisons, des gens qui font des études, ils sont 0,2%, je ne sais pas combien. Les trois quarts, ils sont devant des télés, regarder des chaînes de merde, et ils sont complètement abrutis. Et le mythe de la prison éducatrice, ça touche mais quelques personnes, tant mieux pour eux, parce qu'effectivement, des mecs comme Nobel Spice, quand on lit son histoire, il sortait vraiment de la zone et tout ça, et il a quand même écrit des bouquins. La société ne peut pas se dire « Tiens, cette personne, finalement, ne se fait pas... » On ne voit pas les... Je le dis un moment dans mon livre, excusez-moi de me citer, parce que j'aimerais bien qu'on parle un peu de Thérèse et Sana, mais je le dis à un moment donné dans mon livre, je dis que les blessures de la prison sont invisibles, et que même les chirurgiens, c'est comme les chirurgiens qui ouvrent le cœur, et qu'ils ne verraient que du sang et des muscles, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir la détresse occasionnée par la prison, c'est une violence inouïe. Il ne peut pas y avoir finalement des prisons où on se sent bien, parce que de toute façon, avant d'y avoir été, on sait qu'on a atteint vraiment le plus bas de terre, le plus bas du tas. Donc la violence, elle se fait pendant le procès, elle se fait, et ça je le dis souvent, à un moment donné, quand la cour, justement, délibère, etc., y arrive, et elle dit cette phrase qui est d'une violence, enfin moi je l'ai vécu d'une violence extrême, quand elle dit « la cour vous a jugé coupable », cette phrase, « la cour vous a jugé coupable », c'est terminé, c'est fini pour la vie entière, c'est terminé, ce n'est plus possible de vivre après, c'est impossible, quoi qu'on fasse, même si on devient écrivain, même si oui, j'avais le prix Goncourt, même si, etc., même si je deviens très riche, mais c'est fini. La cour qui vient avec plein d'assesseurs, avec le président, le procureur, tout le monde qui se lève, et vous entendez, et vous-même vous êtes levé, la cour vous a jugé coupable. C'est terminé, c'est même plus la peine, il n'y a plus de réparation possible pour la personne qui est en sort. Ce n'est plus possible. Et d'ailleurs, Jean Genet a écrit cette phrase que j'adore, « Être libre, c'est-à-dire être exilé parmi les vivants. » Et c'est ça, après avoir été incarcéré, c'est ça être libre. On ne peut plus être libre autrement qu'exilé parmi les vivants. Sophie, je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux deux histoires de ces femmes, en fait, comment dire. Ah, merci. Parce que je trouvais que c'était assez intéressant, c'est-à-dire comment il y a effraction en fait dans le moi, c'est-à-dire que finalement, ce que vous avez dit, c'est que par exemple pour leur visée médoc et qu'elle fait un kilo, c'est-à-dire comment il y a une attaque en fait, c'est-à-dire à partir du corps en fait, il y a une attaque sur le moi, c'est-à-dire que parce que finalement ça vient perturber la frontière entre le moi et le non-moi. Tout à fait d'accord. Ce qui n'est plus moi et ce qui est l'offre. Et donc, le fait de, par exemple, de grossir, ça vient faire effraction sur ça. C'est-à-dire, c'est une attaque. Oui, c'est une attaque au moi, en fait, ouais. Une attaque violente. Oui, mais merci, c'est très fin, vous êtes très très fine. Hein. Oui. Et je vais vous donner On va, comme il y a des gens qui commencent à s'en aller, ouais, on va continuer la discussion autour d'un verre. Oui, on va faire une première conclusion. Je vais vous donner une image de ce que vous dites, qui est une femme de succès. Une fille qui me dit comme ça, c'était pas Fatia, c'était une autre. Et qui me dit, tu sais, ça m'a fait un choc, elle était troublée. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive et tout. Elle me dit, tu sais, j'ai fini par récupérer ma garde-robe avant que je rentre en prison. Je peux plus rentrer dans. C'est plus moi-même. Belle image. Hein. Bon, bah écoute, il y aura encore plein de questions, mais de toute façon, le local reste ouvert. On va continuer à discuter. Donc, merci à Brigitte pour votre attention et merci pour votre participation. Et vous voulez... parce que vous...